Stephen King aime les puits, Stephen King aime les ferries, Stephen King a écrit Dolores Claiborne et Taylor Hackford l'a adapté. Et toutes, bienvenue dans ce vidéo club de Castle Rock. Je suis avec Chris. Salut. Hello. Comment vas-tu? Écoute, un peu enrhumé, mais sinon ça va. Moi aussi, comme ça on est deux. Ça va être voilà, très bien ce podcast. C'est cette saison, hein. Ouais. On reprend donc après une longue pause dans l'enregistrement due à différents facteurs qu'on explique dans notre autre podcast qui est sorti normalement il y a deux semaines. Allez l'écouter. Allez l'écouter, c'est sur les attaques animales, c'est très bien. En plus, on parle d'un réalisateur qu'on a déjà abordé dans le vidéoclub. Exactement. Il s'agit de Lewis Teague avec l'incroyable Alligator. Qu'on ne reparlera plus, d'ailleurs. On a oublié de le mentionner, mais on ne fera pas d'épisode sur Cujo dans le podcast Attaque Animale, vu qu'on en parle longuement ici. Oui, bah oui, voilà. Au pire, on le classera un jour, mais en renvoyant à l'écoute ici. Voilà. Au niveau de King, il y a pas vraiment d'actualité au niveau des romans, on sait rien de plus par rapport à ce qu'on savait déjà avant. La série Welcome to Derry a commencé, elle est en cours de diffusion au moment où nous en parlons et elle a plutôt des très bons retours. Oui, effectivement. Là, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où nous enregistrons, il y a 4 épisodes de sortie, donc la moitié de la saison. Donc on la fera un jour ou l'autre de toute façon. Et c'est vrai que je m'attendais pas à des retours aussi dithyrambiques. J'ai lu aucune critique positive pour l'instant. Alors, j'ai vu passer des avis qui disaient que les passages horrifiques étaient toujours un peu filmés de la même manière. Du coup, on verra bien quand on tombera dessus, hein, mais bon. Oui, voilà. Sinon, le film Running Man d'Edgar Wright est sorti. C'est un succès très mitigé, comme beaucoup de films d'Edgar Wright, en réalité. Et les retours sont assez mitigés aussi, en fait, j'ai l'impression. Oui, et même de personnes qui, d'habitude, aiment beaucoup ce qu'il fait, donc... C'est un peu inquiétant pour le coup. Ouais, après c'est divisé, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup quand même, mais ouais, il divise comme film, on peut dire ça au minimum. Ouais, il divise beaucoup plus que Marche ou Crève. Oui, Marche ou Crève plaisait dans l'ensemble beaucoup plus, ouais. Donc voilà, c'est ça les principales actualités sur les sorties ciné. Et les livres, on attend toujours d'en savoir plus. J'espère qu'on aura bientôt des nouvelles de la suite de Talisman, puisque normalement elle est écrite. On avait su il y a quelque temps qu'il avait fini le premier jet. Oui. Et du coup, il l'écrit tout seul. Ah bah oui, là, Peter Straub est plus trop disponible, ouais. Non mais surtout, ils ont même pas eu le temps de bosser dessus ensemble. Enfin, il est décédé avant. Alors apparemment, ils avaient évoqué des idées, mais ils ne s'étaient pas mis à travailler sérieusement dessus. Mais visiblement, il y a quand même des trucs de Peter Straub dedans. Faudrait que je me les fasse, les talismans. Faut prendre le temps, parce que c'est assez long, mais ils sont bien, oui. Je n'ai rien lu de Peter Straub, d'ailleurs. J'ai rien lu de Peter Straub en solo, moi. C'est un auteur dont je sais qu'il est réputé, mais je ne l'ai jamais lu en solo. Il faudra un jour, parce qu'il est quand même plutôt connu. Bah oui, voilà. Pas suffisamment pour faire un vidéoclub de Peter Straub, par contre. Non, d'une part, je crois pas qu'il ait tant écrit que ça, Peter Straub. Non, voilà. Et oui, il n'y a pas forcément grand-chose qui a été adapté. Mais d'ailleurs, l'adaptation de Talisman, c'est toujours techniquement en projet. Hein. Ouais. De même que celle de Fairy Tail, dont on n'entend plus parler depuis un moment. C'est tout plein de trucs dont j'aimerais avoir des nouvelles, parce qu'ils ont du potentiel. Ah, il a quand même écrit une quinzaine de romans. Pas non plus... Non, c'est pas rien, mais c'est pas énorme. Si tu le compares à King, tu vois, par exemple. Oui, voilà. Bon, après, tu me diras, sur les 15, le talisman, c'est combien? C'est 2 ou 3, déjà? Non, c'est 2. Il y a le talisman et territoire. Ah oui. Donc, voilà tout ce que j'ai à dire. Je crois pas qu'il y ait d'autres news que j'aurais sauté. J'en ai pas vu passer, en tout cas. On peut juste mentionner que Stephen King est apparemment l'auteur le plus banni dans les écoles américaines, maintenant. Donc, oui. Bravo pour ton record, Stephen. C'est chapeau. Incroyable. Ouais. En même temps, je pense que la quantité de livres participe beaucoup, tu vois. Quand t'interdis King, t'en interdis 70 d'un coup. Fatalement. Vite. Fatalement. Et bon, il est un petit peu dans le collimateur du gouvernement US, quoi. Oui, en plus, voilà. Ça aide pas. Bon, je propose qu'on se lance dans Dolores Claiborne, si on n'a rien à ajouter. Eh ben, allons-y. Je préfère prévenir à l'avance, c'est un roman qui aborde les thématiques des violences conjugales et de l'inceste, donc un Ouais. roman et un film qui peuvent être assez durs thématiquement, donc bah, faites Inceste attention à vous. sur mineur, précisons-le également. Quand même, Ouais, effectivement. ça s'ajoute en fait aux horreurs, quoi. Et bah, nous, on va y aller et on va spoiler évidemment le roman et le film. C'est parti. Allons-y. Dolores Claiborne, c'est la confession orale à la police de son personnage titre, une domestique dans la soixantaine qui est accusée du meurtre de son employeuse Vera. Des années auparavant, Dolores avait déjà été accusée d'avoir tué son mari Joe, mais on n'avait pas pu réunir des preuves suffisantes pour l'inculper, et donc elle avait été libérée et la mort de Joe avait été classée comme un accident. Dolores se disputait beaucoup avec Vera, elle est jugée par un peu tout le monde sur l'île où elle habite comme antipathique. Elle est en froid avec sa fille unique depuis avec sa fille, pardon, depuis longtemps. Et alors qu'elle vient faire sa confession à la police, alors qu'on sait qu'elle est héritière de Vera et que donc elle va toucher une somme mirobolante, elle nie farouchement avoir tué cette dernière, mais par contre, elle avoue très vite que c'est bien elle qui avait tué Joe toutes ces années auparavant. C'est un roman que j'ai lu et relu ici en VF et il y a un effort dans la version française, dans la traduction, pour avoir un style oral et un peu argotique. Mais en version originale, c'est un roman qui est écrit carrément en utilisant un dialecte afin de s'ancrer encore plus dans la langue de Dolorès. Donc ça peut être quelque chose de compliqué à retranscrire intégralement chez nous, étant donné que la place des dialectes en France Oui. n'est pas forcément la même, même pas du tout la même qu'aux États-Unis. Oui. C'est même un roman qui, du coup, doit être assez compliqué à aborder en tant que lecteur francophone. T'es pas, si t'as pas une parfaite maîtrise de Alors l'anglais. apparemment ça va, c'est pas un dialecte au sens, c'est pas un dialecte au sens où le breton est un dialecte mais qui ressemble en Oui, rien au d'accord. français. C'est plus qu'il va y avoir un vocabulaire auquel on n'est pas habitué, mais visiblement il y a de quoi s'y retrouver. D'accord, oui, c'est vraiment de l'argot. C'est plus L'argot une plus classique. version alternative, on va dire, de l'anglais qui est parlé dans certains coins, si j'ai bien compris. D'accord. Le roman a des liens avec Jessie, qui est son livre jumeau, qui est sorti simultanément, puisque quasi simultanément, puisque Dolores a des visions de Jessie pendant l'éclipse de 63, donc de Jessie quand elle était enfant, tandis que Jessie en avait de Dolores dans le roman de Jessie. On peut s'en rappeler, on l'avait déjà mentionné. Oui. Et l'île sur laquelle se déroule Dolores Claiborne, l'île de Little Toll, elle sera reprise par King dans La Tempête du siècle. Oui, exact. Le roman a été dédié à Nellie Rose Pillsbury King, donc la mère de Stephen King, et on peut largement supposer qu'il s'est inspiré d'elle pour le caractère de son héroïne, puisque quand il parle de sa mère, il la décrit comme une femme qui était assez peu aimable en apparence, parfois violente, dans une situation financière très difficile suite au départ de son mari, mais toujours très combative et acharnée à ce que ses enfants aient de quoi vivre. Donc c'est vrai que c'est un archétype qu'on retrouve chez Dolores. Ouais. Selon Publisher Weekly, ce serait la troisième meilleure vente fiction de 92, ce qui est pas mal étant donné qu'il sort très tard dans l'année, il sort en fin novembre. À la troisième place de ce classement Publisher Weekly, il y a Jessie. Il est resté 14 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 7 à la première place. Le livre va être plutôt bien accueilli, même si certains critiques lui reprochent son langage vulgaire ou l'aspect trop cru de certaines descriptions. Un journaliste du New York Times appelé Christopher Lehman Humpt reproche l'écriture de Joe, qui est selon lui trop présenté comme un monstre. Cependant, le portrait de Dolores est lui-même le plus souvent très loué, très mis en avant, et il y en a d'autres qui accrochent bien à ce style très oral au contraire. D'accord. Je l'ai peu trouvé dans des top 10, mais par contre, il est tout de même régulièrement pas trop mal apprécié. C'est un livre qu'on trouve dans la première moitié des classements dans l'ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire sur le roman. J'aurais plus de choses à dire de l'adaptation, mais du coup, on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Pour moi, du coup, découverte du roman, découverte du film aussi, hein, on en parlera plus tard. Et quelle découverte, c'était vachement bien. Déjà, le format, donc comme tu l'as dit, c'est un témoignage entier. Et au début, ça peut faire peur. tu peux penser que c'est une idée un peu casse-gueule, que le rythme va peut-être du coup en pâtir un peu, mais finalement ça se lit vraiment de manière ultra fluide. Et le personnage est super attachant, même les personnages qui gravitent autour d'elle, mis à part certains, ceux qui sont vraiment totalement négatifs comme Joe. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut dire que Joe est beaucoup trop montré comme un monstre, alors que c'est un peu le principe. Mais bon, on y reviendra. Mais non, j'ai trouvé cette lecture ultra prenante, et le personnage de Dolores est super attachant, quoi. L'évolution, pas du personnage, mais de la vie qu'on a en tant que lecteur, parce qu'au début, quand on l'aborde, vraiment, on la voit comme une dame plutôt âgée, avec un caractère de merde, et limite, tu dis, mais qui c'est cette vieille connasse ? Et au fur et à mesure de la lecture, vraiment, tu comprends pourquoi elle est comme ça, comment elle en est arrivée là, et vraiment... À la fin du bouquin, tu t'es totalement attaché à elle, et c'est vraiment la force principale du roman. Ouais, alors moi, au contraire de toi, je connaissais déjà Dolores Claiborne, et c'était un King que j'aimais énormément, donc j'ai été très content de le relire. Effectivement, je trouve que le choix du style oral, c'était à la fois quelque chose de risqué, et en même temps quelque chose qui est très bien maîtrisé. Ouais. C'est un des rares romans de King où il n'y a vraiment même pas un saut de ligne pour séparer deux parties, c'est vraiment... donné en un bloc, comme ça. Et ça donne une structure assez intéressante, puisque, alors, au début, il va y avoir plein de thèmes abordés un peu mystérieusement, sur lesquels on reviendra au fur et à mesure du roman, quand on comprendra mieux. Et même tout le long du roman, quand on passe d'un sujet à l'autre, c'est parce que Dolores, en finissant de parler de quelque chose, songe à quelque chose d'autre. Donc, c'est des thèmes imbriqués, vraiment comme si elle parlait au fur et à mesure de sa pensée, sans s'être trop préparé, donc c'est très bien retranscrit à ce niveau-là et très bien mené. En effet, Dolores est un personnage qui devient très attachant et qui est très bien géré, parce qu'au début, en effet, elle paraît assez acariâtre, assez railleuse et moqueuse avec tout le monde. Bah, elle est dans cette zone de flou sur qui elle a tué et qui elle a pas tué, et peu à peu, on comprend ce qui est développé tout le long du roman, que si elle s'est autant endurcie, c'est parce qu'elle a pas tellement eu d'autres choix. Il voilà. Y a d'autres personnages où on va avoir le même type d'évolution sur leur caractère, notamment Vera. Mm. Joe, en effet, Joe est détestable, mais il est crédible, hélas. Et justement, de la trilogie un peu que King a fait sur des femmes victimes de violences conjugales, donc qui contient aussi Jessie et Rose Madder, je trouve que Joe est le meilleur des trois personnages masculins qu'il ait fait. Parce que c'est celui qui est le plus quotidien, on va dire, oui. Dans sa violence et dans sa... Oui, on peut dire dans sa monstruosité, mais en fait, c'est un monstre très humain, parfaitement ordinaire, comme il y en a plein, hélas. Et à ce niveau-là, je trouve que Dolores Claiborne est celui qui réussit le mieux, du coup, son message de dénonciation sur tout ce qu'il raconte, parce que c'est celui qui ancre le plus son récit dans l'ordinaire. Oui, parce que Joe, c'est typiquement le genre de personnage, quand tu le connais pas dans l'intimité de son foyer, tu peux penser que c'est quelqu'un de bien. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a pas mal de propos intéressants développés autour de la reproduction des violences conjugales, du fait que Dolores elle-même ait toujours vu ça. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Donc oui, c'est un roman que j'aime beaucoup et qui, pour moi, est une grande réussite de la part de King. On est sur la même longueur d'onde. Donc on va peut-être passer à un retour plus progressif sur le livre. Oui, allons-y. Donc, ce qui est posé directement, c'est que Dolores est venue d'elle-même voir la police. Elle n'est pas encore inculpée au début du roman, même si c'est très sous-entendu, d'après ce qu'elle dit, que si elle vient d'elle-même maintenant, c'est parce que de toute façon, dans les jours qui viennent, ça lui serait tombé dessus. À sa porte. Parce que elle était retrouvée au-dessus du cadavre de sa patronne, Vera, avec un rouleau à pâtisserie à la main. Alors pas au-dessus, ça c'est dans le film. Ah oui, à côté, ouais. Dans le roman, c'est le facteur qui passe pour faire signer des papiers, et du coup, elle, il voit qu'elle est paniquée, et donc voilà. Il la retrouve quand même, elle était en train de pleurer à côté du cadavre quand il arrive, ouais, effectivement. Voilà. Mais du coup, évidemment, qu'elle soit suspectée, ça paraît plutôt normal, hein, on va pas se mentir. Tout le début pose effectivement aussi directement son ton, parce que donc elle a trois interlocuteurs, elle a les deux policiers qui l'interrogent et la secrétaire qui s'occupe de prendre en note tout l'interrogatoire. qui fait le travail de dactylo, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on n'aura aucun dialogue de leur part, mais on sait que régulièrement, tout au long du roman, Dolores va interagir avec eux et faire preuve de son caractère. C'est-à-dire, au début, elle est très cynique avec eux, très moqueuse. Et peu à peu, elle va continuer à se moquer, mais de manière de plus en plus aimable. Oui. Mais en fait, comme tu dis, la dactylo donc retrace tout ce que elle dit. Donc, on n'a pas ce que les deux policiers disent, mais on a ses réponses directes. Donc, via ses réponses, on se doute des questions posées. Oui, voilà. Sachant qu'ils interviennent pas tant que ça, c'est surtout elle qui parle, et c'est surtout dans des interactions, finalement, sur des sujets qui n'ont pas forcément de rapport avec l'enquête, soit sur des points de détail, soit sur des sujets qui n'ont pas de rapport, genre quand elle demande à l'un des deux de lui passer la bouteille d'alcool dans son bureau, là. Oui. Ou alors, des fois, c'est juste, elle fait référence à eux parce qu'ils font des têtes... Tu vois, il se pose des questions ou quoi. Oui. Genre, elle fait une révélation sur un personnage et du coup, en voyant la réaction de Andy, parce que c'est souvent lui qui revient, elle lui dit, bah oui, effectivement, c'était un con. Par exemple, là. Il y a pas mal aussi l'idée que les deux policiers, donc les deux hommes, réagissent différemment de la dactylo, Nancy, donc une femme, oui. Et que très souvent, Dolores dit, souligne que Nancy comprend beaucoup mieux ce qu'elle raconte que les deux mecs. C'est un personnage très... C'est un roman quand même plutôt féministe et pas mal girl power sur certains moments. On y reviendra plus tard, notamment avec les événements qui se passent à la banque. Oui, c'est la période où King commençait à évoluer dans l'écriture de ses personnages féminins et je trouve que ça reste un de ses plus réussis à ce niveau-là. Oui, on est d'accord. Dolores, quand elle arrive... pose tout de suite qu'elle a tué son mari il y a quasiment 30 ans, c'est il y a 28 ans dans le roman. Oui. Mais par contre, elle nie le meurtre de Vera. Comme ça, on a tous ces deux éléments. Nous, alors qu'on en sait quasiment rien, on sait à peine qui est Joe, on sait à peine qui est Vera, on a tout de suite ça qui est posé. Et on va très vite apprendre aussi que Dolores a, dans le roman, trois enfants, puisqu'il y a Selena, oui. Qui sera la principale et qui sera la seule qui restera dans le film. Joe Junior... et Petit Pierre. Voilà. Et on sait très vite aussi que le plus petit est mort, d'ailleurs, Petit Pierre. Oui. Mais ensuite, tout le début du roman va plutôt revenir sur la relation avec Vera sur les dernières années de sa vie, principalement. Au tout début, elle est employée de maison, femme de ménage, pour Vera. Sur toute la première partie du roman, vraiment, Dolores nous dépeint Vera comme... comme une garce, puisque Vera elle-même se qualifie de garce, de toute façon. Comme une garce acariâtre, qui sait ce qu'elle veut et qui n'hésite pas à hausser le ton, voire à virer certains employés quand elle n'est pas satisfaite, quoi. Et de manière très, très brusque, quoi. Les droits du travail, ça n'existe pas. On est aux États-Unis dans les années 60 à 80, ouais, je pense qu'hélas. Rien à foutre, quoi. Et donc voilà, t'as cette relation vraiment très, pour le coup, très patron-employé, mais employé un peu démuni, un peu soumis, en fait, à sa patronne. Et vraiment, t'as pas mal de passages au début du roman où tu te dis, mais pourquoi elle s'est pas barrée, finalement, vu comment elle est traitée. Parce que Dolores en parle de manière très traumatisante sur certains points, notamment sur les habitudes et les exigences de Vera. L'un des points qui revient très souvent, c'est les draps qui sont tendus, où il faut utiliser, attention, 6 passes à linge, Dolores, hein, pas 4, 6, pas 5, 6. T'as plein de petits détails comme ça qui font que tu comprends très vite que Vera a un caractère de merde, puisqu'il faut le dire tel quel. Et oui, tu te poses la question, mais finalement, pourquoi elle est restée autant de temps chez elle, quoi? Oui, c'est quelque chose qu'on comprendra de manière très progressive, leur relation à Vera et Dolores. Ce qui est posé, c'est que Vera, quand elle était plus jeune, au début, quand Dolores travaillait pour elle, elle était effectivement une garce, parce que c'était une bourgeoise acariâtre, très sûre de son bon droit, qui veut qu'elle soit être toujours obéie. Voilà. En effet, les pinces à linge, il y a plein d'autres trucs et sa méchanceté en général. Et sur les dernières années, Vera était très malade, très affaiblie. Et dans les jours où elle était encore en forme, elle retrouvait son ancien caractère, où elle était odieuse. Et il y avait beaucoup de jours aussi où elle était totalement dépendante, très handicapée, et où donc, pour Dolores, qui était vieillissante, c'était de plus en plus dur de s'occuper d'elle, Ah, est-ce que ça en étant nécessite de la seule, en n'étant pas porter, formée, quoi. la porter, la sortir du lit, la traîner partout avec la chaise, voilà. Donc effectivement, on ne comprend pas bien pourquoi il y a ce fait que Dolores soit restée, sachant qu'elle-même le dira, elle aurait pu partir et trouver des emplois qui rapportent plus ou qui rapportent tout autant, mais en lui demandant moins d'efforts. Ah, et voilà. Et c'est une plutôt longue partie, hein, toute cette introduction pour nous décrire toutes ces journées chez Vera. C'est pas seulement quelques pages, quoi. Ah oui, c'est assez long et ça montre vraiment une rivalité entre elles, une rivalité parfois très forte. Voilà. Et jusqu'au moment où Dolores décide de revenir sur le cas du mari, parce que du coup, comme tu l'as dit, elle nie avoir tué Vera, mais d'office, oui, c'est bien elle qui a tué son mari, qui a tué Joe. Et elle se décide à leur raconter du coup au policier ce qui s'est passé, pourquoi elle en est venue là et comment surtout. Pas comment. Ils l'ont trouvé dans le puits donc ils s'en doutaient, mais surtout comment tout ça est arrivé. Oui, sachant que la transition entre les deux se fait via ce qui la pousse à aller à la police, c'est que vu que Vera est morte, tout le monde sur l'île commence à se poser des questions et à répandre des rumeurs. Et donc Dolores dit, en parlant de rumeurs sur des gens qui meurent, je vais en passer à mon mari. Voilà. Donc déjà, ça aborde le pourquoi ils se sont mariés et dès le départ, c'était plutôt mal parti, mais Oui. hélas, très typique de son époque. Puisque ils se sont mariés parce qu'ils ont eu une amourette et Dolores est tombée enceinte. Et à l'époque, ça ne se faisait pas d'être enceinte sans être mariée. Donc voilà. Voilà. Et c'est posé que dès le départ, Joe était violent. Oui. C'est pas quelque chose qui s'est révélé petit à petit. Dès la nuit de noces, en fait, il fait preuve de toute sa jalousie et de toute sa violence. C'est un personnage odieux dès le départ. Oui. Mais dès le départ, c'est aussi posé que c'est un homme comme il y en a beaucoup d'autres. Il est posé comme étant très ordinaire, pas comme étant un cas exceptionnel en fait. Oui, et puis même quand elle décrit l'amourette et le passage à l'acte, sexuellement parlant, j'entends, t'as pas l'impression qu'il y ait eu vraiment des sentiments ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment un truc qui s'est fait comme ça, et puis voilà. Ah oui, le but c'était juste comme ça, un désir bref qui aurait jamais dû mener à rien. Hein. Oui, voilà. D'ailleurs, à un moment, Vera va le signaler que c'était une connerie de se marier, quoi, qu'il y avait probablement d'autres solutions. Hein. Bah, l'avortement notamment. Oui. C'est évoqué dans le roman. C'est juste que Dolores, du coup, elle est plutôt contre l'avortement, il me semble. Ou alors elle y réfléchit. Non, elle y réfléchissait et s'est dit que non, finalement, elle voulait garder le bébé. Ouais, je crois que ce qui est plutôt posé, c'est qu'elle est très traditionnelle, et puis elle a grandi dans un milieu très traditionnel, donc on ne Oui. sait même pas si elle a envisagé sérieusement la question de l'avortement au final. Elle a grandi dans un milieu où la question ne se posait pas. Ce qui se faisait beaucoup, hein, les mariages comme ça à cause d'une personne qui tombe enceinte, c'était pas rare à l'époque, encore une fois. Oui. Très tôt dans cette partie-là, où elle commence à parler de Joe et de sa relation et de qu'est-ce qui s'est passé, arrive vraiment le moment où il la frappe avec une bûche au niveau des reins. Ça arrive Ouais. très très vite. Alors, avant d'en arriver là, le truc qui est important aussi, je trouve, dans le fait que Dolores ait toléré aussi longtemps d'être battue, parce qu'elle met des années avant Oui, de on se se rebeller. révolter, c'est qu'elle revient sur le cas de ses parents à elle, où son père était quelqu'un d'en général très sympathique et très calme, mais qui battait régulièrement quand même, enfin de temps en temps, elle est un peu floue là-dessus, la mère. Oui, Donc en fait, ça a qui du posé un truc ambigu parce qu'elle aime son père, mais en même temps, elle savait que c'était un homme qui battait sa femme, et donc elle avait un peu intériorisé l'idée que c'est comme ça que les maris se comportent. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une phrase qu'elle prononce dans le roman, correction ou quelque chose comme ça, Oui, il y a souvent l'euphémisme de correction qui est employé, ouais. qui, oui, effectivement, elle a intériorisé ça comme étant tout à fait normal. Et, le coup de la bûche, c'est le truc de trop, quoi. Ouais. Et aussi King, qui est habitué au personnage d'homme alcoolique. Alors Joe va devenir alcoolique plus tard, mais c'est aussi posé que c'est pas à cause de l'alcool que c'est un mari violent. Elle le dit, qu'il buvait pas tant que ça au départ, Et que non, il était violent parce qu'il était violent, quoi. Il y avait pas d'excuse autre. Mais donc, oui, on en arrive à la bûche. On en arrive à la bûche, donc pourquoi cet accès de violence? Tout simplement parce que Dolores a trouvé ça rigolo que le pantalon de Joe soit déchiré au niveau du postérieur. Ce qui, effectivement, quand t'es un couple normal, tu peux en rigoler. Bon, bah, Joe, lui, ça fait pas rire. Et il décide de fracasser une bûche au niveau des reins de Dolores, malheureusement. Et c'est là qu'effectivement, elle a le déclic. Ouais. Elle comprend qu'il faut pas que ça recommence, parce que si ça recommence, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Arrive donc le moment où, après que les enfants soient couchés, elle lui fracasse... Alors, dans le roman, qu'est-ce qu'elle lui fracasse, déjà? C'est un petit pot de crème. Un petit pot de crème, un petit pot de mayonnaise, je crois, quelque chose comme ça. Qu'elle lui fracasse sur le crâne, en ayant une bûche avec elle, en ayant une hache avec elle, une petite hachette. Et voilà, elle lui fait comprendre que, bah, s'il va plus loin, bah, elle aussi, elle ira plus loin. Et que... C'est une femme bien plus forte qu'il ne le pense, et qu'elle n'hésitera pas à lui foutre la bûche, la hache en travers de la gueule, quoi. Ouais, tel qu'elle le dit, il y en a un des deux qui y passera la prochaine fois. Voilà, elle est déterminée. Joe semble comprendre qu'il ne faut pas aller plus loin. Et même Dolores le dit, hein, qu'il ne la touchera plus à partir de ce moment-là. Il y a, alors dans les deux cas, qu'au moment où elle se fait... Enfin, après qu'elle se soit fait frapper avec la hache... avec la bûche, pardon... Et quand elle menace Joe, on sait que sa fille voit quelque chose. Oui. Et bah dans au moment où sa mère vient de se faire frapper et que Selena arrive, il y a un peu quand même le regard ambigu que la fille a, où elle semble comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple de ses parents, mais en même temps, elle ne veut pas s'en mêler, elle a peur, elle est jeune, elle est petite. Hein. Oui, elle a 12 ans environ, 11-12 ans, oui, voilà, à ce moment-là. Entrée d'adolescence. Mais c'est posé que les enfants sont pas totalement aveugles à ce qui se passe et que donc cette violence infuse sur eux. Ce sera pas mal développé aussi autour du personnage du plus jeune des fils, petit oui. Pierre, qui imitera de plus en plus son père, tandis que Joe Junior, lui, en a peur. Oui, que Joe Junior le déteste plutôt ouvertement. Oui. Et plus tard, ça ce sera important pour la suite, Selena voit sa mère menacer Joe avec la hachette. Voilà. En fait, Selena pense justement que c'est plutôt elle la responsable. Oui. Elle interprète la chose d'une mauvaise manière. À noter que Joe continuera à se vanter d'être un mari violent, de battre sa femme, de savoir tenir sa femme... Donc il y a aussi vraiment l'idée que pour être un homme, dans les conversations entre mecs, battre sa femme, en fait, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est bien vu. Et oui. Même s'il ne le fait plus parce qu'il a trop peur de Dolores, il continue à vouloir jouer les mecs en disant qu'il le fait. Et donc si Dolores tombe et se fait un bleu accidentellement, il va en profiter pour dire que c'est lui qui l'a fait. Oui, voilà. Vraiment un retournement total des valeurs... là-dessus. Oh, c'est un connard jusqu'au bout. Hein. Ah oui, oui. Et tout de suite après, Dolores va commencer à voir sa fille Selena commencer à changer beaucoup. Oui, elle qui était du coup plus jeune, toute pimpante, à mettre des robes, à prendre soin d'elle, à être bonne élève. J'insiste sur bonne élève parce que c'est le détail qui va commencer à inquiéter Dolores, le fait que sa fille ramène des bulletins avec de très mauvaises notes. Ouais, il y a deux phases, alors ça se passe en deux phases pour Selena, il y en a une première assez brève où elle se rapproche vraiment de son père, Dolores ouais. En parle un peu, mais peu à peu et sans que Dolores s'en rende compte dans un premier temps, au contraire elle en devient distante de son père comme de tout le monde, elle reste le plus longtemps possible à l'école et Dolores note aussi que sa manière de s'habiller et de se présenter change complètement. Elle met de plus en plus des vêtements amples, elle semble prendre de moins en moins soin de son apparence. Et c'est aussi ça quand même qui va finir par l'inquiéter. Quand elle réalise pour les notes, elle se rend compte de tous les autres changements en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, un jour, elle décide de prendre le taureau par les cornes et d'aller attendre sa fille à la sortie de l'école pour pouvoir reprendre le ferry avec elle, parce que comme ouais. Elles sont sur une petite île, il n'y a pas d'école sur l'île, et chaque jour, Selena va à l'école sur le continent. Voilà. Donc là, on est en 1962 à ce moment-là, et comment se passe un peu la scène sur le ferry, qui est assez longue. Bah, au début, elle essaye de lui faire cracher le morceau de manière un peu gentillette, quoi, mais forcément, la gamine qui, dans le roman, était plutôt contente de prendre le ferry avec sa mère. Ce ne sera pas le cas dans l'adaptation. Mais au début, c'est des conversations lambda, jusqu'au moment où Dolores veut savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Jusqu'au moment où la petite manque de chuter du ferry, sa mère la rattrape, juste à temps. Donc, gros moment d'émotion, et c'est là que Selena va commencer à ouvrir son sac. Enfin, ouvrir son sac. Dolores va plutôt elle-même comprendre d'abord, et ensuite faire cracher son sac à Selena. Oui, elle le comprend grâce à un médaillon qui appartenait à la grand-mère de Joe. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui lui met la puce à l'oreille, qui lui fait comprendre toute l'horreur de ce qui se passe. Donc Joe, depuis plusieurs mois, au moment où la confession a lieu, abusait sexuellement de Selena. Voilà. De manière de plus en plus avancée. Voilà, via des attouchements, ouais. Comme ça. Et bah, sa technique consistait ça avait consisté dans un premier temps à lui faire avoir peur de sa mère en disant si Dolores l'apprend, t'as bien vu la fois avec la hachette, elle serait capable de nous tuer tous les deux. Et il joue aussi beaucoup, comme le font beaucoup de violeurs, sur la culpabilisation de Selena en disant que c'est elle qui l'a approchée, etc. Parce qu'elle est toute belle, elle est provocatrice et voilà. Oui, voilà, elle est gentille avec lui. Donc c'est assez violent, pour le coup, tout ce passage-là. Oui, clairement, oui. Psychologiquement, c'est assez rude. Mais c'est plutôt bien mené, je trouve, au niveau de l'écriture. Encore une fois, la manière dont, d'un coup, Selena comprend qu'elle peut ouvrir son sac, qu'elle peut faire confiance à sa mère et parler de ce qu'elle retient depuis des mois et des mois. Je trouve que c'est bien mené dans l'écriture des personnages. Ah oui, clairement. Et puis même, toi, en tant que lecteur, tu comprends que ça y est. C'est l'événement qui va provoquer le meurtre, quoi. Oui, voilà, à partir de là, tu comprends pourquoi il y a eu meurtre. Mais donc, une fois qu'elle a vidé son sac, bon, bah, il rentre à la maison. Dolores fait comprendre à Selena que ce genre de choses ne se produira plus. Donc la petite reprend quand même un peu confiance. Même si elle reste toujours un peu méfiante, mais envers son père, du coup. Et effectivement... Dolores fait comprendre à Joe qu'elle est au courant, quoi. Ouais. Ça, ce sera assez différent dans le film. Dans le roman, il y a un assez gros écart quand même entre le moment où Dolores apprend pour ce qui s'est passé avec Selena et le moment où elle va tuer Joe. Il y a quasiment un an qui passe, mais où elle a bien fait comprendre à Joe qu'elle le surveille et qu'il n'a pas intérêt à recommencer. Mais voilà, il lui faut du temps pour se préparer psychologiquement à tuer son mari. Oui, voilà, c'est ça. Tandis que dans le film, les deux événements s'enchaînent beaucoup plus. Bah, on y reviendra, mais dans le film, il y a moins cet aspect préparation. Oui. Oui, le meurtre semble plus improvisé dans le film, au final. Voilà. Elle voit la bonne occasion. Parce que là, déjà, à partir de ce moment-là, elle commence déjà à réfléchir, et il me semble que l'idée du puits commence déjà à émerger. L'idée du puits, elle émerge assez tôt, effectivement, même si elle... prendra vraiment les mesures que tard, l'idée du puits émerge plutôt tôt, oui. Voilà. Il y a aussi, à ce moment-là, qui est posée l'idée que, a priori, Joe Junior, donc l'aîné des deux fils, se doutait clairement de quelque chose. On ne sait pas jusqu'à quel point il était au courant, mais il se doutait de quelque chose. Et donc, il se débrouillait pour être le plus souvent possible dans les pattes de son père quand Selena était à proximité. Il y a pas mal un développement de ça, le fait que, bah, visiblement, il y a un des enfants qui, ne faisant pas confiance aux adultes, a essayé de faire ce qu'il pouvait pour empêcher le pire. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là aussi qu'est posée la métaphore de l'œil intérieur meurtrier qui reviendra, parce que ce sera comparé à l'éclipse et au puits par la suite. Je trouve que c'est plutôt une bonne métaphore. Ouais, elle utilise son œil pour regarder Joe et elle le voit sous un autre angle qu'elle le voit normalement, quoi. Ouais. C'est à partir de ce moment-là aussi où elle réfléchit, dans un premier temps, pas forcément à passer à l'acte, à le tuer, mais à partir. Oui. Puisque c'est le moment où elle se rend à la banque pour récupérer le pognon. C'est ça, le pognon qui est normalement sur les livrets pour les études des enfants. Voilà. De l'argent qu'elle a quasiment mis, elle, intégralement. Hein. C'est très peu de Joe. Oui, c'est bien. Alterne les petits boulots, mais c'est surtout elle. C'est bien appuyé. Hein. Ouais. C'est bien appuyé que c'est majoritairement elle, effectivement. Et donc, effectivement, il y a la scène très intéressante à la banque où elle se rend compte que tout l'argent des livrets a déjà été enlevé, que Joe l'a entièrement retiré. Ouais. Qu'en fait, il a juste eu, il n'a pas eu besoin des livrets en eux-mêmes, parce que ça, Dolores gardait les versions papier dans un meuble enfermé et ils n'ont pas été touchés. Mais il a fait croire que ça avait été perdu et donc on lui a donné sans problème des nouveaux livrets pour qu'il puisse retirer tout l'argent et les mettre sur un autre compte à son seul nom. Voilà, et c'est à ce moment-là où Dolores appuie bien auprès du responsable de la banque que, comme quoi, s'ils l'ont pas appelé, c'est parce que c'est une femme. Oui, si ça s'était passé dans l'autre sens, ils auraient vérifié auprès de Joe si c'était vrai cette histoire de livret perdu, ouais. Voilà. Une scène très intéressante, hein, et très bien écrite, encore une fois. Parce que tu sens, en fait, le désarroi de monsieur, c'est monsieur Pierce, je crois, le propriétaire de la banque. Mmh. Tu sens que il se sent penaud, parce qu'il comprend, en fait, il sait qu'il est responsable, qu'il a fait une connerie, qu'il a merdé, et qu'il a merdé pour une mauvaise raison, quoi. Oui. C'est à ce moment-là que, d'ailleurs, il lui avoue, après, elle lui fait comprendre que, il a fait une connerie, donc il faut qu'il l'aide, quoi, Elle aimerait savoir si l'argent est toujours dans la banque, mais sur un autre compte, ou si Joe s'est barré avec. Oui, et là, effectivement, il a une petite rédemption pour se faire excuser. Il lui dévoile au moins que, en effet, Joe a bien ouvert un autre compte et que l'argent est dessus. Voilà. Et qu'il n'en a pas dépensé tant que ça. Mm. Vous pouvez le constater, Madame Saint-Georges, ce compte a été soldé par votre mari. Et ça se peut pas. C'est toutes mes économies. Comment est-ce possible? Alors que c'est moi qui ai le livret, c'est pas lui qui l'a. Je vais vous expliquer, Madame Saint-Georges, ce compte est, ou plutôt était ce que nous appelons un compte sous tutelle, n'est-ce pas? Chacun des deux parents a la signature et peut effectuer des retraits. Mais il n'y a aucun retrait qui figure là-dessus. Comment a-t-il pu retirer l'argent s'il n'avait pas le livret? Madame, je vous serais reconnaissant d'être un peu plus discrète. Je lis ici que votre époux a déclaré avoir perdu le livret. Il en a demandé un nouveau, cette pratique courante. Courante ou pas, c'est moi qui le remplissais, ce compte. C'est pas lui qui passait à la banque une fois par semaine. Je vous en prie, Madame Saint-Georges. Je vous répète que je suis désolé, mais je vous assure que l'opération est non seulement légale, mais tout ce qu'il y a de plus banal. Oui, c'est peut-être légal, mais moi j'en sais rien. Moi, ce que j'ai du mal à avaler, c'est que votre pratique bancaire vous permet de faire ça sans même avoir la politesse de téléphoner à la personne dont l'adresse et le numéro de téléphone sont sur la première page du livret. Je suis vraiment désolé, mais... Si vous dites ça encore une fois, je vous préviens, je vous fabrique une bosse au milieu du dos à coups de poing. C'est parce que je suis une femme. Ce serait moi qui serais venu vous dire que je l'avais perdu, ce foutu livret. Si moi, je vous avais demandé de m'en donner à nouveau. Si moi, j'avais voulu retirer d'un coup l'argent que j'ai mis 11 ans à économiser. Vous auriez téléphoné à Joe. Mais donc, vu que c'est un compte seul que Joe a écrit, ce qui montre bien aussi une légalité très douteuse, hein, c'est quand même bizarre qu'on puisse vider tout l'argent d'un compte commun pour le mettre sur un compte solo, sans même avoir la signature de la deuxième personne. C'était chaud, la loi, à l'époque. Hein. J'espère que c'est plus possible aujourd'hui. Bon, la loi ou le détournement de loi, quoi. Oui. Bon, après, il a l'air quand même très carré sur les règles, le banquier, donc peut-être que c'est vrai. Bon, ça reste un banquier, t'enflamme pas. Mais donc, Dolores se sent piégée parce qu'elle ne peut pas se barrer, il n'y a vraiment pas d'argent. Ah oui. Et en même temps, elle sait que les menaces qu'elle a proférées avec Joe, ça marche pour le moment, mais ça ne va pas durer une éternité, ça ne marchera pas éternellement. Et que donc, elle doit trouver une solution, mais elle ne la trouve pas. Et non. C'est à ce moment-là qu'elle craque chez Vera, il me semble. Ouais, alors il y a déjà le fait, tout le moment où on sait que Vera est de très mauvaise humeur en revenant, parce que c'est l'année où Vera revient alors que son mari est mort. Oui. Elle s'est disputée avec les enfants. Donc c'est vraiment l'opportunité de l'éclipse qui la met en joie jusqu'à ce que Dolores craque. Mais c'est une très mauvaise année pour Vera aussi. Voilà. Donc Dolores craque. C'est-à-dire que Vera lui demande 10 000 trucs à faire. Même Vera, à sa place, logiquement, pense au tout début que c'est juste un micro burn-out qu'elle fait. Elle part en crise d'hystérie parce qu'elle lui demande 10 000 trucs à préparer avant l'éclipse. Et là, du coup, c'est à Dolores de tout cracher à Vera. Elle lui explique tout de A à Z, ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça, ce que Joe fait. C'est à ce moment-là que Vera sous-entend, bah écoutez, Dolores, vous savez, il y a des maris qui meurent tous les jours. Hein. Les accidents, ça arrive. Hein. Au moment même où elle lui met, j'adore ce passage, elle lui dit clairement, au moment où vous parlez, bah, il y a sans doute un mari qui est en train de mourir. C'est très rigolo. Oui. Mais donc voilà, c'est à ce moment-là où Dolores prend conscience que, ah, effectivement, il est peut-être temps de passer à l'acte et réfléchir à cette histoire de puits. Oui, et Vera sera plutôt, dans la suite, une alliée discrète, mais, oui. Mais présente. On suppose qu'elle sait toujours exactement ce que fait Dolores. C'est la seule dont on est certain qu'elle sait ce que fait Dolores, quoi. Oui, clairement, elle est au courant de tout ce qui se passe de A à Z. Mais effectivement, cette fois, Dolores repense au puits, et cette fois-ci, elle va le retrouver. C'est un puits qui est un peu dans des anciennes ronces. Et là, elle savait qu'il était là, là où effectivement, dans le film, elle tombe dessus par accident. Oui. Elle va le marquer, elle va marquer l'emplacement via un petit bout de tissu accroché dans les ronces. Ouais. Et elle va choisir du jour quand elle comprend que cette histoire d'éclipse, en fait, ça peut bien l'arranger parce que il y aura quasiment personne sur l'île parce que les gens sont réunis à deux endroits principaux sur le toit d'un hôtel sur le continent où bosse Selena, d'ailleurs. C'est ça. Et sur le ferry que Vera a privatisé pour l'occasion. Pour qu'il y ait plein de gens qui puissent monter dessus et regarder l'éclipse. Voilà. Parce que Vera fait les choses en grand. Elle achète de l'équipement, tu sais, les lunettes spéciales pour tout le monde. Elle loue le ferry, elle le privatise. C'est vraiment, c'est son événement, quoi. Ah oui, elle est très très à fond sur cette éclipse. On comprendra d'ailleurs plus tard pourquoi après. Voilà, ouais. Les grands esprits. Mais donc, Dolores, elle, explique à Vera que elle sera pas là au moment de l'éclipse. Elle veut la regarder de son côté avec son mari. Voilà. Vera comprend. Ouais. À noter que à partir du moment où elle décide de la date, Dolores se débrouille aussi pour éloigner les trois enfants. Selena, c'est pas très compliqué parce qu'on lui propose de travailler en tant que monitrice de colonie de vacances. Enfin, le truc de scout. Oui. Donc, voilà. Et les deux garçons, elle les envoie chez la sœur de Joe pour s'en débarrasser, pour qu'ils soient pas là pendant longtemps. Comme ça donne pas l'impression qu'il y a que le jour de l'éclipse qu'ils sont absents. Oui, ce qui serait un peu trop suspect, quoi. Oui, voilà. Effectivement. Et elle commence aussi à faire boire de plus en plus Joe pour qu'il s'habitue à ce qu'elle lui donne de l'alcool, parce qu'elle préfère l'affronter quand il est pas en pleine possession de ses moyens, ce qui peut se comprendre. Oui, en rentrant du boulot, elle fait un petit détour par une droguerie pour acheter une petite bouteille par-ci par-là. C'est plutôt bien amené, hein, tous ces événements-là. Ouais. Il y a ce moment qui resservira par la suite, c'est que à un moment, Vera apprend que ses enfants ne seront pas là au moment de l'éclipse, qu'ils viendront pas, et là, pendant quelques jours, avant de retrouver sa bonne humeur, mais il y a quelques jours où elle est d'une humeur vraiment massacrante. Ouais. Et où notamment elle vire des gens à tour de bras, au point que même elle finira par demander à Dolores de l'excuser auprès d'une employée. Enfin, de faire revenir une employée, pas de l'excuser justement, ne pas utiliser le terme « je m'excuse ». Qu'elle avait viré parce qu'elle avait fait tomber une assiette, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc oui, on sent une Vera aussi très nerveuse. Et donc vient le fameux moment de l'éclipse, où Dolores met son plan à exécution. Exactement. Donc les deux sont sur la véranda, tranquillement, à regarder l'éclipse. Enfin, lui, Joe, il s'en fout. Hein. De l'éclipse, il en a rien à foutre. Lui, ce qui compte, c'est la bouteille qu'il est en train de s'enfiler depuis tout à l'heure. Il se prend un petit peu au jeu quand ça commence, parce qu'il regarde avec les lentilles et il constate que c'est rigolo, le soleil disparaît. Mais de base, il en a vraiment rien à foutre. Il se moque même totalement des gens qui vont assister à l'éclipse sur le ferry, par exemple. Sur le ferry ou sur le toit du bâtiment. Et donc, comment se passe un peu l'interaction et la confrontation avec Joe ? Eh bien, déjà, elle lui fait comprendre qu'elle est au courant pour les comptes bancaires, parce que ça, elle l'avait gardé pour elle, jusque-là. Elle lui fait croire qu'elle a réussi à récupérer tout le pognon. Oui, elle lui fait croire, elle l'a pas récupéré. Oui, non, elle peut pas, techniquement. Mais elle lui dit que le banquier, quand il s'est rendu compte que Joe avait menti sur la perte des livrets, lui avait tout rendu. Voilà. Donc elle lui fait croire qu'elle a tout récupéré, et puis bah forcément, la tension monte et Joe commence à s'en prendre physiquement à elle. Et finalement, elle s'attendait pas à ce que ça soit aussi compliqué. Oui, elle est plutôt surprise. Ça va être long et difficile, effectivement, pour le tuer. Parce que finalement, bah, elle, son plan, il est simple. Hein, du coup, elle prend la fuite en direction du puits. Arrivée au niveau du puits, elle saute par-dessus pour que lui, bah, les planches qui le condamnaient s'écroulent sous son poids et qu'il tombe dedans. Sauf qu'il arrive, un petit souci, c'est qu'il ne tombe pas immédiatement dedans. Bah après, oui, déjà, il tombe pas immédiatement dedans. Mais même une fois qu'il tombe dedans, il meurt. Oui, il est vivant, ça le tue pas sur le coup. Et t'as tout ce passage très... vraiment kingien, pour le coup, où il est vivant, il essaye de grimper, elle entend des voix qui lui disent « Attention, il est là, il n'est pas tout à fait mort. » T'as vraiment tout un moment très mystique, en fait, qui est renforcé en plus par le mysticisme de l'éclipse, quoi, qui, à l'écrit, rend vraiment bien, quoi. C'est très... C'est le moment où le roman vraiment verse dans l'horreur pure. Bah, et c'est là aussi qu'il y a les donc parallèles qui se font avec Jesse, puisque oui. Dolores va avoir deux visions de Jesse enfant, qui était elle-même victime des abus de son père. Oui. Donc, ce qui fait le parallèle entre les deux romans. Et effectivement, il y a toute une ambiance doucement fantastique qui s'installe, d'autant que effectivement Joe va mettre vraiment une éternité à mourir, comme s'il pouvait toujours revenir. Ça fait presque croire que son fantôme pourrait revenir. C'est d'ailleurs quelque chose dont va avoir, enfin, que va cauchemarder Dolores par la suite. Oui, clairement. Que même une fois mort, une fois totalement mort, enfin, on va déjà expliquer comment il est totalement mort, c'est qu'il réussit à grimper le long du puits, et bah, Dolores l'achève en lui explosant le crâne avec une énorme pierre. Voilà. Et c'est après ça qu'elle commence à, pour brouiller les pistes, elle balance la bouteille d'alcool dans le puits pour vraiment faire croire à un accident, quoi. Oui. Et après tout ça, alors qu'elle est totalement terrorisée à l'idée qu'il puisse être encore vivant, parce qu'il l'entend, il entend des voix l'appeler du puits, elle rentre chez elle et elle se barricade, elle ferme toutes les portes à double tour, quoi. Comme tu dis, ça la hante. Ouais, c'est ça, elle va plus culpabiliser qu'elle ne le croyait, elle va avoir peur d'avoir fait une erreur, évidemment. Donc, bah, les premiers temps vont être difficiles. Et encore une fois, c'est un peu grâce à Vera qu'elle va se remettre sur le droit chemin, parce que Vera va plus ou moins lui dire « Bon, bah, de toute façon, maintenant que c'est fait, oui, voilà, hein, t'as plus qu'à te reprendre et à faire en sorte de vivre. » Voilà. Foutu pour foutu. Oui. Il y a une enquête qui a lieu. Et notamment la principale confrontation qu'il y a, telle que nous le dit Dolores, en fait, le moment où c'est le plus risqué pour elle, c'est quand elle est interrogée par le médecin de l'île, qui lui pose différentes questions sur comment s'est passé l'accident, sur l'état de Joe et compagnie. Oui. Et telle qu'elle le dit, l'enquête qui vient après, selon elle, a été totalement déterminée par cet entretien avec la personne qui vient de l'île et qui est la plus intelligente, la plus à même de voir ses mensonges éventuels. Et qui est un très long passage, encore une fois, avec un dialogue, une série de dialogues vraiment, mais superbement écrit, quoi. Ouais. Ouais, oui, il essaie lui faire avouer faire une erreur pour qu'elle dise qu'elle était là, pour qu'elle confesse. Bah, qu'il y a des trucs étranges dedans. Et ça, il la pousse à cracher le morceau, quoi. Parce que ce qu'il met en avant, c'est notamment que Joe est pas mort sur le coup, ça, ils ont moyen de le savoir. Qu'il a essayé de remonter, ça, ils ont moyen de le savoir. Et que donc, il a probablement appelé à l'aide et il trouve très bizarre que Dolores n'ait pas entendu. Mais à chaque fois, en fait, c'est très bancal. On sent qu'il jette des bouteilles à la mer pour tenter de l'avoir, mais il y a toujours un moyen de s'en sortir, et Dolores réussit bien à s'en sortir. En fait, il essaye de la déstabiliser, mais vu qu'elle-même s'est fixé des règles avant, parce qu'elle s'attendait à être questionnée de la sorte, des règles comme quoi toujours compter dans sa tête quelques secondes avant de répondre, histoire de pas se précipiter dans un piège. Oui. C'est vraiment, elle a pensé tout en amont, quoi. Et c'est l'une des forces du roman, c'est de vraiment nous montrer que le personnage, c'est vraiment un personnage réfléchi qui ne tombe pas dans le premier piège venu. C'est vraiment un personnage très très fort, Dolores. Oui, c'est et donc à la fin, elle arrive même, enfin un peu par épuisement, mais elle Elle craque. lâche même une larme en. Voilà. Lors de l'entretien, elle dit que, ironiquement, c'est un peu cette larme qui a probablement tout fait parce que l'information a circulé que Dolores Claiborne a pleuré et donc que c'était bien un accident, quoi. Que si elle avait tué son mari, elle n'aurait pas été aussi émue. Voilà, c'est ça. Et l'autre le sait. Hein. Dolores le sous-entend dès que la larme est là, sur son visage, on voit que l'autre sait que c'est bon, c'est foutu, quoi. Oui, qu'il a perdu, lui, il est toujours convaincu que c'est elle qui a fait le coup. Mais il sait qu'il n'aura aucun moyen de le prouver et que personne ne le croira. Voilà. Par contre, il restera toujours l'ambiguïté pour Selena, notamment, qui revient avec les deux garçons en urgence en apprenant la mort la disparition puis la mort de leur père. Oui. Et elle, c'est sous-entendu qu'elle a toujours le doute sur est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'est sa mère qui a tué son père. Et elle en voudra toujours un peu à sa mère, tout en s'accusant elle-même. C'est à nouveau dit que Dolores s'en est pas rendu compte tout de suite, mais qu'en fait, Selena s'est jamais sortie de tous ses démons. Oui, c'est ça. Ce C'est sera une thématique les. bien plus développée dans le film. Ah, c'est la culpabilité des victimes, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment très bien écrit. Hein. Et ce que j'ai trouvé plutôt touchant, c'est la réaction aussi de Joe Junior, qui est triste, mais qui en fait, lui, n'est pas triste parce que son père est mort, il est triste parce que justement, en fait, il ressent rien pour sa mort. Oui. Et c'est fort, je trouve. Ouais, c'est un Que tu joli comprends. passage. Parce que tu comprends qu'en fait, il est triste parce que normalement, en tant que père, il aurait dû être triste de sa disparition. Que vraiment, en fait, pour lui, c'est comme si il n'avait jamais eu de père, en fait, tout simplement. Oui, c'est plus ou moins ça. Lui, Joe Junior s'était vraiment présenté qu'il détestait son Oui. père. Jusqu'au point de faire ses devoirs scolaires en prenant les présidents que son père détestait le plus Oui. dans un geste de révolte. C'est plutôt rigolo, ça. Oui. Mais donc, suite à ça, les charges sont abandonnées contre Dolores. Enfin, il n'y a pas moyen de l'accuser. Elle récupère l'argent du mari. Bon, c'est pas mirobolant, mais ça lui permet d'envoyer Selena et Joe Junior à l'université. Voilà. Là, on saute pas mal d'années. On sait que le plus petit Pierre, À la guerre. il meurt à la guerre. Il meurt au Vietnam, il me semble. Bah, à mon C'est avis, ça. étant donné qu'il doit avoir à peu près 18 ans au moment de la guerre du Vietnam, oui, c'est le Vietnam. Et puis même, je crois que ça parle de Saigon, donc. Ouais. Effectivement, Saigon est peut-être mentionné. Et c'est dit, c'est assisté comme quoi c'est vraiment la faute à pas de chance, c'est que il meurt quelques jours avant la fin de la guerre. Ouais. Ce qui est aussi le thème de la guerre du Vietnam qui hante un peu l'imaginaire américain, c'est aussi quelque chose que King reprendra notamment dans pas mal de nouvelles Ouais. de Cœur perdu en Atlantide. Ouais. Pas que lui d'ailleurs, c'est une guerre qui a tellement marqué les Américains au Oui. sens premier du terme. C'est que, toutes les guerres sont stupides, hein, mais s'il y en a bien une qui était vraiment stupide, c'est bien celle-là, quoi. Bah, en fait, elle n'est pas forcément plus stupide que beaucoup d'autres guerres qu'ont menées les Américains. Seulement, celle-là, ils ont plutôt pris cher. Donc, Oui. je pense que c'est le mélange des deux. C'est le fait que ce soit une guerre stupide et le fait que ce ne soit pas une guerre où on puisse vendre une victoire éclatante des États-Unis qui fait que ça apparaît juste comme un sacrifice inutile de plein de jeunes Américains, ouais. Oui, c'est pas comme la guerre en Irak, par exemple. Oui, la guerre en Irak, il y a hélas largement moyen de la présenter comme plus glorieuse du point de vue américain. C'est bon, on a débarrassé le pays d'un dictateur. Ouais, Oui, bon. voilà, c'est ça. Mais voilà, le temps passe. Selena et Joe Junior partent vivre sur le continent et reviennent très peu. Surtout Selena. Oui. Joe Junior, il repasse. Lui, là, on sait que Dolores voit ses petits-enfants, par exemple. Oui, Mais voilà. Selena, ça fait une éternité qu'elle n'est pas venue sur l'île, et tel que Dolores dit, elles échangent des cartes postales, des trucs comme ça, mais on sent que c'est plus par politesse qu'autre chose. Et elle, maintenant, Dolores vit une grande partie de l'année chez Vera. Oui, parce que Vera a eu une série de problèmes de santé, notamment d'AVC, qui font qu'elle est en fauteuil roulant, qu'elle est totalement dépendante, maintenant qu'il doit y avoir quelqu'un constamment à ses côtés pour s'occuper d'elle. Voilà. Et que ses accès de lucidité sont de plus en plus rares, et qu'elle a de plus en plus, on n'en a pas parlé, mais que Vera est sujette à des hallucinations. Notamment qui se symbolise dans des apparitions de visages dans des poussières. Ouais, dans les moutons de poussière. Voilà, elle est terrorisée par les moutons de poussière. Et il y a un truc qui semble la hanter aussi, c'est l'image d'une voiture qui est tombée à l'eau, qui est tombée dans un lac, et qui est récupérée par une équipe de sauvetage. Et bah, du coup, on se dit que c'est la mort de son mari qui... Bah, qui la traumatise, quoi, qu'elle culpabilise d'avoir tué son mari. Oui. Voilà, il y a une série d'événements, notamment où Vera a des moments de lucidité, des moments de folie. Il y a Vera qui se lance dans un jeu un petit peu... Bon, c'est très... c'est très scato friendly. Ça nous est décrit, ça nous était décrit plutôt vers le début, tout le coup de... Oui, mais de du Vera coup, qui provoque avec ses excréments, mais c'est vrai que c'est là que ça se passe dans la chronologie voilà. Normale. Et vu qu'on n'a pas trop abordé le roman de manière très chronologique écrit, finalement. Bah, c'est vrai que c'était compliqué, mais effectivement, il y a toute cette période où il y a des sortes de duels qui se mettent en place entre Vera et Dolores, mais ce qui pose aussi la raison de leur amitié, en fait. C'est qu'au final, bah, c'était deux femmes qui s'étaient retrouvées totalement seules, qui étaient d'une certaine façon dépendantes l'une de l'autre, qui partageaient un secret, mine de rien, qui étaient toutes les deux plutôt détestées par le reste de l'île, et que donc, même si elles étaient en rivalité constante, même si leur amitié était basée sur cette rivalité et sur ces duels, bah, elles étaient amies quand même. Oui, clairement. Et ça, c'est ce que, effectivement, comme dit, le regard extérieur ne peut pas percevoir. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle reste... Et ça, c'est, je trouve, plus appuyé et même... limite mieux appuyé dans l'adaptation. On y reviendra à ce moment-là. Oui, ce sera plus clairement dit par un autre personnage dans l'adaptation. Mais donc vient le moment où un excès de folie un peu plus brutal que les autres arrive Vera termine dans les escaliers. Un petit accident. Ouais, en voulant fuir justement les moutons de poussière. Elle arrive jusqu'à l'escalier et elle dégringole. Et Dolores, qui arrive à ce moment-là, mais qui n'arrive pas à la rattraper, entend bien qu'elle s'est brisée la nuque ou la colonne vertébrale, enfin que là, elle s'est très gravement blessée, alors qu'elle était déjà très, très lourdement handicapée physiquement. Vera la supplie de l'achever au bas de l'escalier. Ouais. Elle lui dit qu'elle en peut plus, en fait, des visions qu'elle a. Elle reparle encore de la voiture à ce moment-là, qu'elle en peut plus de cette vision de la voiture qu'on extrait du lac, tout ça, tout ça. Donc Dolores se précipite dans la cuisine pour choper le rouleau à pâtisserie, qui est un rouleau à pâtisserie en marbre. Donc effectivement, c'est pas de la petite surface. Hein. Ah oui, c'est lourd, hein, là, je pense, ouais. Voilà, c'est, tu te le prends sur le coin de la gueule, bon bah, il y a peu de chances que tu te relèves après, quoi. Et bah, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'arrive le facteur, et le facteur qui ramène un courrier. Dans le roman, c'est plus long que ça. C'est-à-dire, quand elle revient, Vera est déjà morte. Oui, elle reste un moment à côté du cadavre, songeuse, avant que le facteur arrive. Mais comme elle a rien touché, quand le facteur arrive, bah, tout ressemble vraiment à une scène de crime. Oui, parce que le rouleau à pâtisserie est posé sur l'escalier, et voilà. Ouais. Et donc, effectivement, le facteur arrive, et on en revient bah, au début du roman. Ouais. Et bah, ce qui nous est appris, on va en apprendre pas mal plus sur Vera dans cette fin de roman, puisqu'en fait, Dolores, ce qui l'a vraiment convaincu de venir voir la police, mais qui l'a fait attendre, c'est qu'elle a eu un appel du banquier de Vera, du responsable de ses affaires. Ouais, du comptable, on va dire plutôt. Bon, bah, Vera avait fait un testament il y a plusieurs années, l'intégralité de sa fortune vous revient. Vous revient. Et Dolores, bah, déjà, elle comprend tout de suite que ça la met vraiment dans la merde au niveau de la crédibilité de l'accident. Bah, ça fait un alibi, quoi. Ça fait une raison. Ouais, voilà. Et elle va demander, mais c'est pas normal, pourquoi elle remet pas l'argent à ses enfants? Ouais. Et là, avec un long dialogue, encore une fois, le comptable de Vera lui apprend qu'en fait, bah, ses enfants, bah, ils sont plus là. Que les gamins, la jeune, enfin, sa fille, elle était un peu casse-cou, un peu adolescente, crazy sur les bords. Que elle, Vera, a voulu gâter son fils et lui a acheté une belle bagnole qui va vite. Sauf que c'est la gamine qui était derrière le volant et en fait, on comprend à ce moment-là que la voiture que Vera voyait en vision, bah, c'était pas la voiture du mari, mais c'était la voiture de ses enfants. Et qu'en fait, elle a perdu et son mari et ses enfants à genre. Je crois que c'est quelques mois, voire une année d'intervalle. C'est vraiment Ouais, dans un temps quelques très mois réduit, parce quoi. que ça se passe dans l'intervalle entre deux retours sur l'île. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, Dolores ne les a jamais vus. Et c'est un truc, en fait, qu'elle se. En... Tout d'un coup. Pop dans sa tête le fait que, ben oui, effectivement, en fait, depuis la mort du mari, ben, je ne les ai plus jamais revus. Ouais. Et pour elle-même, en fait, ça redevient fluide, alors que elle s'était laissée embarquer par tous les mensonges de Vera qui lui disait, oui, les enfants, ils grandissent bien, nanana, lui, il fait une grande carrière de ça, elle, fait une grande carrière de ça, ils vont venir fréquemment, et d'où, c'est là qu'on raccroche les wagons avec l'éclipse, d'où le fait que Vera était ultra contente de l'éclipse, qu'elle voyait l'éclipse comme quelque chose de mystique. Qui potentiellement pourrait alors, ramener à la vie ses enfants, mais c'était aussi parce qu'elle avait déjà un petit pet au casque à ce moment-là, et donc du coup, c'est comme ça qu'elle transformait l'éclipse, quoi, comme quelque chose de mystique qui lui ramènerait ses enfants. Ouais, et la semaine où elle va pas bien du tout, c'est quand quand elle remet les pieds sur terre et qu'elle se rend compte que l'éclipse changera rien et que ses enfants Voilà. seront plus jamais là. Et qu'après, elle réussit à, entre guillemets, se faire une raison et à les maintenir en vie par ses mensonges à Dolores, ce qui est plutôt joli. Dolores le dit à un moment, tant qu'il y avait encore une Quelqu'un qui croit en domestique eux, voilà. sur Little Tall qui croyait qu'ils étaient en vie, d'une certaine Ils étaient façon, en ils vie. l'étaient toujours. Ouais, c'est très joli. Mais donc, bah, ça change pas mal notre regard sur le personnage de Vera, qui est vraiment un des. Bah, en fait, qui a le même parcours de dévoilement que Dolores. Elle est odieuse au Oui. début, et puis elle devient de plus en plus attachante au fur et à mesure. C'est deux Bon, personnages qui ont été beaucoup blessés. Et. Sauf que son côté garce bourgeoise au début, bon, c'est vraiment une garce bourgeoise, quoi. Ah Y a oui, pas de ça reste raison. une garce bourgeoise, ça. De toute façon, ça reste jusqu'à la fin une garce bourgeoise, hein, ça, on peut pas le lui enlever, hein. Oui, mais disons qu'après, le côté garce bourgeoise sur la fin, plus la folie, bon, c'est explicable Oui. par des événements de vie traumatiques, quoi. C'est explicable, c'est pas pardonnable, attention, ne confondons pas. Oui. Mais donc, bah, Dolores a terminé sa confession, elle a avoué un meurtre, elle a dit clairement que l'autre, elle l'a pas tué. Et on peut assez facilement comprendre que bah, pour Vera, on pourra plus ou moins prouver que. Enfin, on pourra pas prouver le meurtre non plus, et on pourra pas. Parce qu'il n'y a pas de sang sur le rouleau à pâtisserie et compagnie. Oui. Mais on sait que l'île va pas mal la suspecter, risque de pas mal la suspecter, par Ah oui, parce contre. que dans la conscience des gens, enfin, c'est pas la conscience, et les gens vont se dire, bah, le mari, puis maintenant, la patronne, bon, c'est Oui. bien suspect cette histoire quand même. Dolores termine sa confession en disant maintenant j'ai tout dit, j'ai parlé, je suis fatigué, faites ce que vous voulez, j'en ai plus rien à faire. Voilà. La fin de la confession. Les moutons de poussière qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. C'est magnifique. Et du coup, on vient à une série de journaux. Ouais. C'est sur ça que t'as l'air rebondir. Oui, c'est ça. Mais qui sont donc les seuls moments où du livre, et ça dure 3-4 pages, où on On n'est pas sort. dans la narration de Dolores. Voilà. Qui nous explique qu'un généreux déjà, qui nous explique que Dolores a été. Lavé de tout soupçon. Voilà, qui a été lavée de tout soupçon. Voilà, elle est innocente. Puis un autre article qui nous dit qu'il y a un généreux donateur qui a fait un don énorme à un orphelinat. Et puis on comprend très vite que la totalité du don représente la totalité de l'héritage. Donc Dolores a fait ce qu'elle avait dit en fait au notaire. Hein, souvenons-nous-en, on ne l'a pas évoqué. Mais le notaire, elle lui disait qu'elle voulait pas de l'argent. J'en veux pas de cet argent. Faites-en don à un orphelinat. Parce que le notaire avait dit, bah oui, mais moi, j'ai pas le droit. Libre à vous de le faire une fois que vous aurez l'argent, mais moi je n'ai pas le droit de le faire. Et du coup, bah, elle le fait. Oui, et puis le notaire aussi laissait clairement sous-entendre qu'il n'y croyait pas, hein, que dans sa Oui. tête, pour lui, une fois qu'elle aurait l'argent, elle le garderait ou elle en garderait une grande partie. Oui. Et la dernière brochure de journal où c'est plusieurs petits événements qui se passent à Little Tall. Et donc on comprend que bah, Dolores prépare Noël avec ses enfants et qu'elle va retrouver sa fille Selena qui est devenue journaliste après des années où ils ne se sont pas vus. Et ouais. Ça fait de Dolores Claiborne un roman qui se termine en happy end. Oui, là, bon, en tout cas, en happy end aussi complète, oui, c'est pas si souvent. Là, vraiment, la fin est totalement en faveur de Dolores. Ah, puis quel plaisir, quoi. En tant que lecteur, la fin est super satisfaisante, parce que c'est un personnage avec lequel t'as eu tellement d'attachement. Ouais. Voilà. Mais donc oui, c'est une très belle fin, très apaisée, et en effet, plutôt méritée pour Dolores. On est content pour elle. Ouais. Et bah, encore une fois, oui, un roman très très réussi, pas interminable, hein, il fait un peu plus de 300 pages en poche. Oui, en 324 dans mon édition Albin Michel, donc édition grand format. C'est ça, ah, j'ai l'édition Pocket, moi, petit format. Et bah, voilà, on vous le conseille, c'est très bien mené, il y a une écriture un peu atypique, et vous aurez à la fois beaucoup de suspense et un très beau portrait de personnage. Ouais, effectivement, ça fait partie des très très bons romans de Stephen King, je suis d'accord. Ok, eh bien nous allons passer à l'adaptation. Dolores Claiborne, what the heck? Oh my god, you killed her. This is not a trial. This is a preliminary inquest in all cases of death as suspicious in nature. Someone to see you here. I told you I don't want no lawyer. Dolores, it's your daughter. When was your last visit? 15 years ago. I didn't kill her. Not murder that witch anymore, and I'm wearing a diamond tiara. We need a piece of your hair, Miss Claiborne. Take what you want. I ain't doing any beauty pageants this week. That is the last guy in the world you want to make an enemy out of. Motive, money. I ain't making one. I'm keeping one. Eyewitness testimony. What is that supposed to mean? A documented history of threats. You're gonna tell me you don't remember him? Selena. We met before, Miss St. George. Leave me alone! I was the investigator when your father died. Maybe we should finish what was started 20 years ago. You honest to God don't remember, do you? How's that possible? I remember you hitting him! You're an old hand at this, aren't you, Miss Claiborne? People do have a tendency to take some bad falls when you're around. What did you do to him, Mommy? Why can't you believe my mother? Because she's done it before! You don't believe me, do you? Selena! Get in the house, right now. I am in the house. Academy Award winner Kathy Bates. Jennifer Jason Leigh. An accident, Dolores, can be an unhappy woman's best friend. Le film Dolores Claiborne a une production qui est lancée assez peu de temps après la sortie du roman et il est produit par Castle Rock Entertainment, dont on a déjà très régulièrement parlé, qui contacte pour l'écriture du scénario le scénariste relativement débutant à l'époque, Tony Gilroy. 3 ans plus tôt, il avait écrit le scénario du film Le Feu sur la glace de Paul Michael Glaser, le réalisateur de Running Man. Et par la suite, il collaborera à nouveau avec Taylor Hackford à 2 reprises sur L'Associé du Diable et sur L'Échange. Donc visiblement, leur collaboration s'est bien passée. Effectivement. Et il est sinon co-scénariste sur Armageddon, bon, pourquoi pas, et s'est occupé de la trilogie Jason Bourne en tant que scénariste, et c'est lui qui réalise Jason Bourne l'héritage. Donc le mauvais. C'est pas terrible, ouais, ce mauvais, je trouve voilà. Ça un peu surfait, mais ouais, c'est pas terrible. Oui. Et c'est aussi le réalisateur du film Michael Clayton avec George Clooney. Avec George Clooney, ouais. On peut aussi citer dans ses travaux qu'il est un des 30 000 scénaristes de La Grande Muraille de Zhang Yimou. Bon, c'est pas terrible non plus. Et après avoir travaillé sur le film Rogue One, il est créateur de la série qui en est dérivée. Tony Gilroy avait été marqué par certains aspects du roman, mais il n'en était pas non plus totalement fan. Il y a certaines scènes choc qui lui déplaisaient, ainsi que la narration en un bloc de monologue. Selon lui, ça donnait un aspect trop unidimensionnel au roman. Et ça donnait, dit-il, le sentiment de lire un premier jet. Et c'est pressé par William Goldman qu'il accepte de tenter l'écriture du scénario, et qu'il prend, pour régler plusieurs problèmes, la décision de mettre Selena en avant dans la partie au présent, en la présentant telle qu'elle est évoquée dans le roman, mais sans être trop développée, comme encore traumatisée par les événements, même si ayant tout enfui. Oui. Et il développe aussi un personnage de policier. Dans le roman, les policiers sont au final plutôt favorables à Dolores et plutôt à l'écoute. Là, il développe le personnage du détective McKee pour en faire un méchant, dit-il, à la Javert, donc, qui est sur la piste forcenée de la protagoniste pour rétablir ce qu'il considère être la justice. Ouais, ce qui fait quand même très transposition du médecin, en fait. Hein, oui, du coup, ça, il reprend plus ou moins la position du médecin et la scène de fin peut être vu comme une transposition de la scène avec le médecin. Oui, voilà. Dans les autres différences importantes, on peut dire qu'il n'y a que 20 ans à peu près qui séparent la mort de Joe de la mort de Vera dans le film, contre quasiment 30 dans le roman. Là, je pense que c'est une décision qui a été prise en grande partie parce que ça permet d'avoir la même actrice de manière plus crédible pour jouer Dolores aux deux périodes. Oui, et puis c'est des changements tellement insignifiants, finalement. Oui, voilà, c'est pas très important. Et donc, le film n'est pas du tout structuré de la même manière, puisque donc le roman, c'est la confession orale de Dolores, tandis que le film met bien plus... Enfin, c'est une narration plus classique, qui met plus en avant la vie de sa protagoniste dans les années 90, avec les retrouvailles avec sa fille. Donc c'est pas du tout la même structure. Mm. Et on peut signaler qu'à l'exception du tout dernier flashback, qui est un des plus violents, tous les flashbacks vont être racontés du point de vue de Dolores, ce qui permet pour le coup de correspondre au roman, de retrouver l'idée de Dolores qui voit le récit. Oui, tout à fait. Quand Taylor Hackford est contacté, Gilroy a déjà accepté d'écrire le scénario. Donc Taylor Hackford, c'est un réalisateur qui a commencé par des études de sciences politiques et qui s'est intéressé au cinéma en travaillant pour le Corps de la Paix dans les années 60, où il commence à faire des petits trucs en Super 8. On peut mentionner dans ce qu'il a fait qu'il est marié à Helen Mirren depuis 97. Je ne sais pas si c'est un accomplissement cinématographique, mais voilà, on aime bien Helen Mirren. Il oui, est voilà. Président de la Directors Guild of America, America de 2009 à 2013. Et bon, comme beaucoup de gens, il a fait la connerie de signer la pétition à Polanski en 2009, en soutien à Polanski en 2009. Voilà. Il y a énormément de monde qui a fait cette connerie. Hein. C'est pas un réalisateur que je connais si bien, mais j'aime bien ce que j'ai vu de lui. Puisque je trouve que deux de ses films postérieurs à Dolores Claiborne, L'Associé du Diable et Ray, sont vraiment chouettes. Oui, effectivement, c'est des bons. J'ai une préférence pour L'Associé du Diable. Ray, je trouve que c'est un film sympathique sans être extraordinaire. Mais oui, ça n'a pas l'air d'être un mauvais réalisateur. Et c'est marrant, parce que du coup, tout comme toi, je n'ai vu que Dolores Claiborne, L'Associé du Diable et Ray. Ouais, il faudrait que j'en voie d'autres. De manière intéressante, Hackford décrit sa mère un peu de la même manière que King décrivait la sienne, et le film est dédié à la mère de Taylor Hackford. Ok, marrant. A priori, il y a plusieurs petits ennuis au cours de la production, dont certains qui paraissent assez absurdes. Par exemple, personne n'avait demandé la validation de King sur le scénario de Gilroy très différent du roman jusqu'à très tard dans la production. Et donc à un moment, c'est un Taylor Hackford terrifié qui est chargé d'appeler King pour en parler. Et l'auteur répond que non, c'est très bien. Limite, il y a des idées qu'il aurait aimé avoir dedans. Ok. Et un peu plus tard, il doit rappeler King alors qu'ils sont en train de préparer les lieux pour le film, de chercher et de faire des repérages. Il doit appeler King pour lui demander où se trouvait Little Tall Island parce que personne n'arrivait à la retrouver sur une carte. Et King lui dit « Ah non, mais c'est normal, hein, je l'ai inventé, Little Tall Island !» Donc voilà, un petit moment absurde de la production. Au casting, dans le rôle de Dolores, nous retrouvons Kathy Bates, dont nous avons déjà longuement parlé à l'époque de Misery et un peu de la mini-série Le Fléau. Ouais. Misery, c'était 5 ans plus tôt, la sortie. À l'époque du tournage, elle avait 47 ans, donc elle était à peu près entre les deux âges de Dolores qu'elle est censée interpréter, puisqu'il y a milieu de trentaine et milieu de cinquantaine. Mm. Et Taylor Hackford explique, ce qui est intéressant et pertinent, que notamment dans la première scène, il a pas mal joué sur l'image que le public avait de Kathy Bates, surtout après Misery, donc celle d'une femme dangereuse, psychologiquement instable et meurtrière. Et effectivement, ça sert très bien les suspicions qu'on peut avoir sur Dolores dans tout le début du film. Oui, totalement, oui. Selena, adulte, est interprétée par Jennifer Jason Leigh, Elle avait débuté sa carrière assez jeune, au milieu des années 70, au départ surtout à la télévision. C'est dans les années 80 qu'elle commence à tourner pas mal au cinéma, avec des films comme Ça chauffe au lycée Ridgemont, La chair et le sang, Hitcher, Shortcuts, donc pas mal de films pour déjà des réalisateurs assez vite prestigieux. Ouais. Au moment de Dolores Claiborne, elle venait de tourner Le Grand Saut des frères Cohen. Et un truc que je ne connais pas, mais j'aime beaucoup le titre, Mrs. Parker et le cercle vicieux. Je trouve que, je sais pas, ça sonne bien. Effectivement. Je ne connais pas non plus. Et par la suite, elle tournera encore pour pas mal de réals importants, dans In the Cut de Jane Campion, Les 8 salopards de Tarantino ou Existence de Cronenberg, où elle est vraiment géniale. Oui. Mais également chez Sam Mendes. Oui, effectivement. Dans Les Sentiers de la Perdition. Ouais. Je sais plus si c'est avant ou après Dolores Claiborne, Les Sentiers de la Perdition. C'est après, c'est 2002. Ouais. Ah oui, je pensais pas que c'était si tard. Mais donc, c'est une très bonne actrice. J'aime beaucoup voir Jennifer Jason Leigh. Elle joue très très bien à chaque fois. Et elle a eu une belle carrière. Elle a aussi joué dans quelques séries. La version adolescente de Selena est jouée par Ellen Muss, qui a eu une carrière qui s'est fortement ralentie à partir du milieu des années 2000. En fait, sa carrière d'actrice est assez brève. Pour ce Dolores Claiborne, c'était son premier rôle. Elle a dit elle-même qu'elle voulait mettre sa carrière en pause il y a une dizaine d'années, même si elle a retourné brièvement en 2022. Bon, il y avait quasiment rien que je connaissais. J'ai noté qu'elle fait une voix dans Tofu the Vegan Zombie, parce que le titre interpelle. Mais par contre, c'est pas bien. Hein. Vous pouvez le trouver en ligne, ça dure 8 minutes, mais je vous préviens, c'est pas bien. Oui, c'était bien sûr, c'était donc sur ça. Que tu c'était donc sur ça, que pour ça que t'as vu Tofu the Vegan Zombie sur mon Letterboxd à un moment. Et ben, je ne l'ai, cette actrice-là, du coup, je ne l'ai vue que dans Dolores Claiborne. Oui, non, mais moi aussi, hein, j'ai entendu sa voix du coup dans un truc d'animation étudiant, mais ça va pas plus loin. Joe est interprété par David Strathairn, qui commence sa carrière au cirque avant de passer au théâtre, puis au cinéma, entre autres aux côtés du réalisateur John Sayles, donc John Sayles, qui est le scénariste de L'Incroyable Alligator. J'avais dit qu'il y avait un pont avec notre autre podcast. Allez écouter notre podcast sur L'Incroyable Alligator. C'est comme Dolores Claiborne et Jesse, c'est des podcasts liés. Il joue pas mal de second rôle. On peut citer le rôle de Harrison, qui n'est pas le protagoniste dans le film Harrison's Flower. Et il gagne le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise pour son rôle principal, pour le coup, dans Good Night and Good Luck de George Clooney, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Il joue un flic alcoolique dans My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, le film américain de Wong Kar-wai que moi je trouve bien, même si c'est pas son meilleur. Et sinon, on peut aussi citer en vrac Nomadland de Chloé Zhao, La Vengeance dans la peau, les deux premiers Godzilla du nouvel univers où il joue un militaire. Ouais. Et à la télé, il a joué dans Blacklist et The Expanse, donc c'est un acteur qui joue pas mal. Vera est interprétée par Judy Parfit, qui elle aussi a joué au théâtre où elle est pas mal active. À l'écran, elle a très majoritairement des seconds rôles, beaucoup à la télévision. Elle a régulièrement été nommée pour des prix de meilleure actrice dans un rôle secondaire. On peut citer la série Call the Midwife, une série anglaise commencée en 2012 et encore en cours aujourd'hui avec 123 épisodes sur une sage-femme dans un couvent anglican dans les années 50-60. Et ben, ça c'est du sujet. Ouais. Le détective John McKee, donc, qui est ajouté dans le film, est interprété par Christopher Plummer. Ouais. Donc évidemment un très gros acteur qui joue pas mal dès les années 60. On peut citer La Mélodie du Bonheur, par exemple, aux côtés, il joue aussi aux côtés de Peter Sellers dans le très drôle Retour de la Panthère Rose. Oui. Qui est un de mes Panthères Roses favoris. Dans l'excellent film L'Homme qui voulut être roi, il joue Rudyard Kipling. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup avec Sean Connery. Je ne l'ai pas vu. Je te le conseille pour le coup, en film d'aventure un peu à l'ancienne. Je trouve excellent. Dans Meurtre par décret, il joue Sherlock Holmes. Donc ça fait partie des nombreux acteurs à avoir joué Sherlock Holmes. Aux côtés de James Mason en Watson. James Mason qui est dans Les Vampires de Salem. D'accord. On peut citer qu'il a collaboré deux fois avec Luigi Cozzi parce qu'il est dans Nosferatu à Venise et dans Star Crash, dont des gens sont fans, mais je ne les juge pas. Eh oh. Et Dolores Claiborne, ça sort la même année que L'année des 12 singes, et il retrouvera Gilliam dans le rôle-titre de l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Ouais. Aussi, c'était Inside Man à couteau tiré, donc un acteur qui a eu une très belle carrière dans plein de chouettes trucs, et il est décédé en 2021, mais il avait 91 ans, hein, donc voilà. C'est avec Kathy Bates, la grosse tête d'affiche de Dolores Claiborne quand Dolores Claiborne est sortie. Oui, voilà. Apparemment, ça a été un peu difficile de trouver l'apparence du personnage parce que Hackford voulait qu'il ressemble à un détective de province sans élégance, un peu fatigué. Mais tous les costumes proposés lui allaient trop bien. Et Christopher Plummer, à un moment, a fini par dire « Il est tout simplement impossible de trouver des vêtements qui ne maillent pas ». Et c'est lui qui propose la marque, laissant penser que son œil a été cassé pour donner un peu de brutalité à son personnage. Ah, sympa. Ouais. Et marrant de constater que le mec a joué Sherlock Holmes, donc le plus grand quand même, des détectives connus, et qu'il a terminé sa carrière dans un film de détective, puisqu'il a terminé sa carrière dans Un couteau tiré. Oui, où il joue la victime cette fois-ci. Oui, l'excellent Un couteau tiré. D'ailleurs, le troisième sort bientôt et j'ai très hâte. Eh ben, je n'ai toujours pas vu le 2. Il va falloir, du coup. Et le dernier acteur que je vais citer, c'est celui qui joue le Constable Stanshaw, donc qui sert plus ou moins d'assistant à John McKee, mais qui est beaucoup plus du côté de Dolores et Selena, parce que lui vient de Lille. Et c'est l'acteur John C. Reilly, qui est tout jeune à l'époque. Hein. Il avait commencé au ciné quelques années auparavant dans Outrage de De Palma. A priori, il devait avoir un tout petit rôle seulement à la base, mais on lui a donné un rôle plus important parce que De Palma avait beaucoup aimé son interprétation. Et c'est un acteur qui a joué dans pas mal de chouettes films. Il a tourné dans les trois premiers P.T. Anderson. Alors, j'ai pas vu Hard Eight, mais il est dans Boogie Nights et Magnolia, qui sont excellents. Ouais. Et on peut noter qu'il est dans un film que je n'ai pas vu, qui s'appelle The Anniversary Party, mais qui est réalisé par Jennifer Jason Leigh. Il est dans The Horse de Stephen Daldry, que j'aime beaucoup. Et il a été acteur dans plusieurs Adam McKee, notamment aux côtés de Will Ferrell, puisqu'il est dans Frangin Malgré Eux et Ricky Bobby, Roi du Circuit, que je trouve tous les deux vraiment marrants. Et il a joué Watson, aux côtés de Will Ferrell, dans Holmes et Watson, mais ça par contre, c'est hélas pas bien du tout. C'est très très mauvais, apparemment. Ouais, non, c'est catastrophique. C'est dommage, parce que Will Ferrell, enfin l'un comme l'autre, ils étaient un peu vieux, mais sinon, ils font un bon duo pour faire Holmes et Watson en comique. Mais non, le film est très mauvais. On peut quand même dire qu'il a joué quand même pour Yorgos Lanthimos dans The Lobster. Oui, effectivement, ouais. Alors du coup, un rôle plutôt secondaire, mais voilà. Moi, c'est un acteur qui a plutôt une belle carrière dans pas mal de comédies, mais qui a plutôt une belle carrière aussi, John C. Reilly. Oui, il a joué pour des grands noms, quand même. Mm. Mais c'est vrai qu'en général, on va le chercher pour des plus petits rôles. Oui. Le film est tourné à Nova Scotia, au Canada. Les séquences de l'éclipse sont faites sur plateau devant un fond bleu pour les effets spéciaux. Apparemment, à la lecture du scénario, les responsables des effets spéciaux avaient budgété le truc 500% au-dessus des prévisions, à cause d'une incompréhension sur le fait qu'il y avait le même plan qui revenait plusieurs fois. Ah. Donc il y a une petite panique à cause de ça au début. Le directeur photo, c'est Gabriel Beristain, un directeur photo mexicain qui avait déjà travaillé avec Hackford sur son précédent film, Les Princes de la Ville. Et plus tard, il sera directeur photo sur Blade 2 et 3, et sur The Ring 2. Et après une décennie 2010, surtout à la télévision, il revient au cinéma dans les années 2020. À la télévision, il s'était essayé aussi à la réalisation sur la série MacGyver, sur le revival. Voilà. D'accord. Pour bien différencier les deux périodes du film, les séquences flashbacks sont filmées avec de la pellicule Fuji qui dégage des couleurs pastel vives, tandis que les séquences au présent sont filmées avec une pellicule Kodak qui donne une image plus bleue, qui est encore désaturée par son traitement. Hackford a aussi travaillé les transitions entre le présent et le passé pour donner un aspect fantomatique aux flashbacks, comme si les personnages se faisaient posséder par le passé. Visiblement, il s'est inspiré pour certaines des transitions de peinture de Magritte pour donner un aspect vaguement surréaliste à ces moments. D'accord, il y a de très très jolies transitions. On sent le travail de la transition. La musique est composée par Danny Elfman. J'ai écrit un peu plus que d'habitude sur la musique. Donc Danny Elfman, un compositeur désormais cancel pour des problèmes d'agression sexuelle, voilà. Mais qui reste un compositeur dont les musiques comptent beaucoup pour moi. Bah, du coup, les anciennes musiques, j'écoute plus les récentes. 95, c'est une période charnière dans sa carrière puisque c'est la fin de son groupe Wingo Boingo. Il fait la tournée d'adieu à ce moment-là. Il a déjà fait pas mal de ses classiques à l'époque. Puisque Batman, Edouard Romain d'Argent, L'étrange Joël de Monsieur Jack, Beetlejuice, tout ça s'est passé à ce moment-là. Il est beaucoup associé à un certain cinéma de genre ou à la limite à la comédie. Il avait fait pas mal de comédies dans ses premières années, mais il commençait un peu à chercher à se diversifier. Il avait déjà fait des travaux très jolis sur Summer's Bay et Prince Noir, le film avec le cheval. Mais Dolores Claiborne, pour moi, c'est clairement une pierre angulaire de sa carrière, une BO à la fois assez unique et assez représentative, et une de ses meilleures. Puisque pour le coup, il va choisir une instrumentation qui est dominée par le piano, la harpe, les cordes frottées, et il y a de manière beaucoup plus rare des cuivres, des bois et des percussions, et seulement dans le générique de fin, des chœurs. Donc c'est une instrumentation assez limitée. Les pistes avec le plus d'orchestre sont surtout présentes dans les scènes se déroulant dans le passé. Le présent met plus en avant les instruments solistes. Ça se base sur un seul thème principal, qui est celui de Dolores, même s'il y a d'autres motifs qui vont s'y greffer. Et l'écriture est assez particulière dans la mesure où tout est très lent musicalement, de sorte qu'il est parfois assez difficile de saisir le thème qui, de toute façon, est bref, il fait 5-6 notes, dans les notes, dans les notes qui sont soutenues. En fait, on a l'impression, moi, elle me donne l'impression qu'il y a une espèce de lac musical qui est surtout tenu par l'orchestre à cordes, d'où les instruments solistes vont surgir, que ce soit le piano, la harpe. Il y a aussi, aussi un vibraphone et les violons solos aussi. Et après avoir fait quelques notes en surface, les instruments replongent dans le lac pour se fondre de nouveau à l'orchestre. Il y a même l'idée du son d'un instrument qui mute dans le son d'un autre instrument, genre le piano qui devient du vibraphone, justement. Donc gros travail de composition et aussi gros travail d'orchestration. On peut citer l'orchestrateur attitré d'Elfman, qui est Steve Bartek. Il y a pas mal d'assonances et de dissonances, ça s'énerve rarement puisqu'il y a assez peu d'action dans le film avant l'éclipse, et ça ne devient clair et positif que sur le final, sur les dernières minutes du final. Donc c'est vraiment une BO que je trouve assez brillante. Et en fait, Elfman y tenait beaucoup à cette BO, au point qu'il avait financé une édition spéciale et ultra limitée de l'album de la musique à l'époque parce qu'il était mécontent de la sortie officielle. D'accord. Donc, il avait payé de sa poche pour sortir une version CD qui correspondait à ce qu'il voulait. Il collaborera de nouveau avec Taylor Hackford sur l'échange, une BO qui est moins intéressante mais qui reste sympathique tout de même. Le film débute à la 3e place au box-office américain, mais il ne baisse pas excessivement vite, et donc il va rapporter au final quasi 25 millions sur le sol domestique pour un budget de 13, et à l'international il rapporte à nouveau 20 millions pour un total de 46 millions de dollars de recettes. C'est un film globalement apprécié sur à peu près tous ses aspects, en particulier la performance de Kathy Bates et Jennifer Jason Leigh, mais malgré les critiques élogieuses à sa sortie, pendant un temps il semble plutôt condamné à l'oubli avant de peu à peu être réestimé et réévalué par certains, et aujourd'hui il a 86% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place à 10e à égalité avec Ça, chapitre 1 de Muschietti, et 3,9 étoiles sur Allociné, ce qui le place 7e entre Stand By Me et la saison 1 de Monsieur Mercedes. Eh bien. Le journal Time le listait en 2014 parmi les 10 meilleures adaptations en film de Stephen King, et King lui-même, quand dans Stephen King Goes to the Movies, le met aussi dans les 10 adaptations qu'il préfère de son œuvre. Kathy Bates garde un excellent souvenir du tournage de ce film, disant déjà qu'elle est très contente de ce qu'elle a fait dessus, qu'elle trouve que c'est un rôle important, et qu'elle était contente parce que c'est pas souvent qu'elle a autant le temps de préparer un rôle, que ce soit au niveau de la gestuelle pour gérer les dosages de Dolores, et du dialecte, parce qu'elle parle aussi avec un accent à couper au couteau, oui. Et avec des termes de dialecte dans le film. Donc c'est un film qu'elle considère comme important dans sa carrière, et elle en veut toujours à la Columbia qui a distribué le film pour ne pas avoir assez bien fait la promo selon elle. Le roman a aussi été adapté pour terminer en pièce de théâtre par David Joss Buckley et en opéra sur un livret de G.D. McClarty et une musique de Tobias Speaker en 2013. Je n'ai pas encore pris le temps d'écouter ça. Elle m'avait prévenu, ma mère. Tu te laisses aller. T'as un gros cul, t'as bouffé dégueulasse. Tu parles sans arrêt pour ne rien. Tu sais quoi, Joe ? D'un coup, je suis plus du tout fatiguée. Ne bouge pas si tu ne veux pas que je te fende la tête. Maman ? Retourne dormir, ma chérie. Ton père et moi, on a juste une petite discussion. Ça va ? Oui. Hein, Joe ? Ça va, du tonnerre. Recouche-toi, chérie. Remonte te mettre au lit. Papa. Va. Sale pute. Je te garantis que tu me le paieras. Tu peux y aller. Tout ce que je souhaite, c'est que ça dure pas. et que tu fasses en sorte que la petite ne voit rien. Tu veux me mettre plus bas que terre. Continue comme ça. Te gêne pas, tu peux être aussi méchant que tu voudras. Mais c'est la dernière fois que je me laisse frapper. Si tu refais ça, je te jure que cette fois-là, nous deux ravalera son bulletin de naissance. Ouais, ben maintenant, il est temps de réparer la connerie que t'as faite. Va me chercher quelque chose pour ma tête. Je pisse le sang sur ma liquette, bordel de Dieu. Mais donc, nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Bah écoute, bonne découverte que cette adaptation de Dolores Claiborne. Au début, ça, tu peux te poser des questions, tu te dis tiens, ils ont bon, totalement changé le format. Ça, c'est logique que ça ne soit pas juste un énorme monologue, ça serait pas très cinématique, ça je peux le comprendre. Mais très vite, tu constates la présence beaucoup plus soutenue de Selena, tu constates la disparition des deux autres enfants. Mais si au début tu peux t'interroger, tu te dis tiens, pourquoi avoir fait ça, c'est curieux, très rapidement tu te rends compte finalement que ça colle bien et que toutes les différences qu'il y a, et pour le coup elles sont en nombre, toutes les différences qu'il y a avec le roman sont logiques et apportent réellement quelque chose à cette adaptation. Alors, c'est, sans que ça soit du coup deux œuvres totalement différentes, ça fait que l'adaptation est très intéressante et que tu te retrouves devant un film plutôt maîtrisé, que ça soit narrativement ou même en termes de réalisation. Vraiment, une très bonne adaptation, un très bon film que ce de Dolores Claiborne. Oui, bah, je suis d'accord, c'est un film que j'aime vraiment bien. Effectivement, le scénariste avait raison, c'était pas possible de reprendre le monologue. Pour adapter le film, il fallait trouver quelque chose d'autre et choisir d'en profiter pour plus développer la relation à Selena en partant de choses qui étaient ébauchées de toute façon oui. Dans le roman. Mais c'est une très chouette idée. Il y a Kathy Bates, c'est excellente, mais l'intégralité du cast est vraiment très très chouette et vraiment au niveau. Mais effectivement, on retient surtout Kathy Bates parce qu'elle est dans le rôle aux deux âges et que je trouve qu'elle arrive à bien rendre la différence entre une Dolores assez jeune et joyeuse et dynamique et la version fatiguée par 20 ans de travail à se casser le dos dans des emplois difficiles après. En effet, c'est une bonne idée de l'avoir choisie, elle, avec l'image qu'elle pouvait avoir pour interpréter ce rôle-là. Où ça montre encore plus que les problèmes de violence conjugale, les maris violents, ça peut tomber sur n'importe qui. Et c'est vrai qu'on a un peu souvent le cliché d'une femme toute faible et toute frêle qui serait soumise à un monstre, ce qui n'est pas la dynamique qu'on a dans le cas de Dolores et de Joe, puisque limite elle est plus grande que lui en fait. Elle paraît plus imposante que lui physiquement. Oui. Donc ça souligne bien toute la violence psychologique, toute la domination psychologique qui accompagne aussi le patriarcat. Donc je trouve ça intéressant comme choix de casting. J'aime bien effectivement le travail des transitions et de la photographie. Je trouve que c'est un film qui a quelques idées de réalisation, mais qui est globalement assez classique. Mais Taylor Hackford est un réalisateur plutôt classique, mais efficace, qui sait distiller des chouettes idées visuelles par moment quand c'est nécessaire et quand ça marque. Donc oui, c'est un film que je trouve vraiment chouette. Le film s'ouvre sur la mort de Vera, où elle chute dans l'escalier, et c'est vraiment tourné de sorte à ce que toi, en tant que spectateur, tu penses que Dolores a fait le coup, quoi. Tout est là pour te faire croire qu'elle la pousse dans l'escalier, qu'ensuite elle va chercher le rouleau à pâtisserie dans la cuisine pour l'achever. Elle fout la cuisine sans dessus-dessous, pour trouver de quoi lui exploser la tête, jusqu'au moment où arrive le facteur, alors que Dolores a le rouleau à pâtisserie au-dessus de la tête et qu'elle est prête à assommer le coup fatal. Voilà, c'est sur ça que s'ouvre le film. Avec Vera qui semble supplier en disant « Dolores, s'il vous plaît... » Oui, mais du coup, oui, tu prends ça comme un « s'il vous plaît, ne le faites pas ». Oui, voilà, c'est ça. Alors que la finalité, c'est « s'il vous plaît, faites-le ». Ouais. Donc une entrée en matière quand même très intéressante et qui rentre vraiment dans le tas direct. Hein. Ouais, et en effet, après ça, on enchaîne sur Selena dans les locaux de son journal. Donc, ce qui présente tout de suite son caractère, elle a l'air assez sombre, elle est assez sèche avec beaucoup de monde, que visiblement, en même temps, les gens ne sont pas particulièrement sympathiques avec elle, et qu'elle est très ambitieuse et qu'elle se plonge complètement dans son travail, et que l'annonce de... en fait, elle reçoit un fax avec un article de journal local sur le fait que Vera est morte et que Dolores est accusée. Et elle reçoit un fax avec marqué à côté « C'est bien votre mère ». Voilà. Et c'est ce qu'il a fait se rendre là-bas. C'est ce qu'il a fait se retourner à Little Tall. Après un long générique. Ouais. Où on voit vraiment... Du coup, on prend le temps de nous montrer Little Tall, la petite île avec des petites maisons très tradies, voilà. Ça avec le fameux ferry. Le ferry, surtout, oui. Voilà. Qui sera finalement important. Voilà. Elle arrive directement au commissariat. Ouais. En demandant à voir Dolores. Et elle tombe sur le grand méchant, le flic qui la poursuit en fait depuis la mort de Joe, quoi. Il veut tout faire pour la foutre en taule. Voilà. Qui, du coup, on l'a évoqué, en fait, c'est la transposition du médecin dans le roman. Oui, c'est ça. Avec en plus le fait qu'il a loupé Dolores il y a 20 ans. Donc cette fois-ci, il est bien décidé à se rattraper, à laver son honneur, parce que tel qu'il le dit, il a eu 86 affaires criminelles dans sa carrière, et il y en a 85 qu'il a réussi à résoudre. La seule qui lui a échappé, c'est Dolores. Voilà, c'est ça. Donc il y a ce petit côté challengeant pour lui, quoi. Ouais, il veut finir sa carrière en se vengeant de cet échec. Voilà. Donc il y a le personnage de John C. Reilly, là, c'est le jeune shérif, en fait, il joue un jeune officier qui conduit Selina à sa mère. Sa mère ne la reconnaît pas au début. Ouais, elle pense que c'est une éternité qu'elles se sont pas vues. Elle pense que c'est un avocat, alors qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin d'avocat, mais voilà. Émotion quand elle se rend compte qu'en fait, c'est sa fille. Et je trouve ça très bien joué, où elle va commencer à lui parler de trucs banals, parce qu'elle ne trouve pas comment faire la conversation, et même quand oui. Elle est toute seule dans la salle de la police où elle était en train de faire le ménage, oui. Parce qu'elle a besoin d'être occupée et que c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, je trouve que voilà, le personnage est tout de suite un peu attachant, même si tout de suite derrière on va voir son caractère de cochon, mais elle est tout de suite assez attachante dans ce côté caractérisé direct, ouais. Ouais. Parce qu'effectivement, ce qui va pas l'aider tout le long du film, c'est que notamment avec les deux policiers, y compris le personnage de John C. Reilly, qui est plutôt bienveillant envers elle, elle va se montrer tout du long très cassante et très moqueuse et leur envoyer des piques à longueur de temps. Alors que tu sens que lui, il veut vraiment l'aider, quoi. Oui. Et donc elle se les met encore plus à dos, elle se met Selena aussi plus à dos au fur et à mesure à cause de ça. Voilà. Et donc les deux quittent le commissariat pour retourner dans la maison familiale. Ouais. Et c'est là qu'il va avoir le premier flashback. Oui. Et donc avec l'arrivée des transitions intelligentes, parce que Dolores se tient sur le devant la maison, elle regarde devant elle où t'as une espèce de petite butte, elle voit des gens arriver, et là, la colorimétrie de l'image change, devient beaucoup plus lumineuse et chatoyante, comme on l'a dit, et hop, on comprend qu'on est en flashback. Un flashback des battus pour retrouver Joe, voilà. C'est ça le premier qu'on a. C'est ça, et très au court. Début, ça va beaucoup être ça, en fait. Au début, c'est des flashbacks très courts, comme si les personnages, dans un premier temps, ne voulaient pas se souvenir, et que c'était peu à peu que les souvenirs s'imposaient à eux, ou qu'ils se mettaient à raconter pour une partie de ces souvenirs. C'est exactement ça. Donc on comprend aussi que Dolores, elle ne revient pas beaucoup chez elle, que le chauffage marche difficilement, parce qu'elle vivait quasiment à domicile chez Vera depuis un bon moment. Qu'il n'y a pas le téléphone non plus chez elle, que ça a été coupé, ce qui embête particulièrement Vera, qui essaie de choper un gros article et qui n'a pas l'intention de rester bien longtemps sur l'île. Selena, oui, pardon. Oui. Vera, elle attend plus grand-chose, là. Ouais, non, Vera, là, à ce stade-là, tout est comblé pour elle. Il y a à signaler que la maison a été recouverte de graffiti, d'insultes... des fenêtres cassées, vraiment quoi, les jeunes gens se sont lâchés, les jeunes gens. Et puis on en reverra passer par la suite, ce qui là aussi rappellera à Dolores, lui donnera des flashbacks du passé. Après, les heures passent et les deux se mettent à table pour manger. Et là, Dolores a une vision de Joe qui rentre dans la baraque. Et là, on a une nouvelle transition avec un flashback. C'est le fameux flashback où Joe va lui assommer le coup de bûche. Oui. Donc on enchaîne effectivement sur un événement important du roman qui est retranscrit très fidèlement pour le coup, celui-ci. Il y a pas mal de moments, malgré que la structure change, il y a pas mal de scènes qui, prises individuellement, sont très proches de ce qu'elles sont dans le roman. Oui, là c'est vraiment, il rentre, il met la télé, il échange un petit peu avec Selena, on voit que Selena là, elle est en robe, elle est toute pimpante, elle est contente. Il y a le passage de moquerie avec le pantalon qui est déchiré, jusqu'au moment où, hop, il lui met un coup de bûche dans le dos. La vraie différence entre le roman et l'adaptation, par contre, c'est que Joe boit. Alors qu'on sait que dans le roman, il n'est pas plus alcoolique que ça. Oui, pas au début, effectivement. Il l'est beaucoup plus directement dans le dans le film. Alors que là, il y a ce passage où on le voit glisser du whisky dans sa canette de coca. Ouais. Donc, sous-entendu, il est alcoolique, de base, dans cette adaptation. D'ailleurs, un des trucs qui provoque le flashback chez Dolores, c'est qu'elle se rend compte que sa fille déjà est accro aux médicaments, aux anxiolytiques, et qu'elle-même boit beaucoup. Oui, donc ça lui rappelle Joe. C'est ça qui lui rappelle Joe et qui lui fait se dire « Mince, j'ai voulu sauver ma fille, et finalement, elle est peut-être sur la même pente que son père. » Voilà. Donc effectivement, le flashback continue et va aller jusqu'au moment où il se prend, où elle lui met une cruche de lait, j'ai l'impression, dans l'adaptation, sur le coin de la gueule, quoi. Et donc t'as la confrontation avec la machette et Selena qui assiste à la scène en étant enfant. Ouais. Ça fait du lait de gâcher alors qu'il faut pas gâcher le lait, la vache elle dort. Et voilà. Plus de lait pour Robespierre, quelle fausse note. Là, on n'est pas certain que Selena voit la hachette. Elle voit qu'il y a quelque chose qui va très mal entre ses parents. Mais a priori, Dolores arrive à cacher la hachette en elle-même. Elle voit qu'il y a une confrontation, c'est tout. Ouais. Et du coup, on revient au présent où on se retrouve avec une Selena adulte toujours traumatisée par cette séquence qui part s'isoler en pleurant. Ouais. On commence à comprendre que visiblement, Selena a quand même oublié énormément de choses. Oui. Notamment sur les raisons qui ont poussé à la mort de Joe, Selena ne sait quasiment rien, ne se souvient de quasiment rien. Oui, c'est enfoui en elle-même, quoi. Ouais. La suite, c'est le lendemain où Selena, qui n'a pas vu sa mère depuis une éternité, se rend compte d'à quel point celle-ci paraît avoir vieilli. Oui. Notamment ses mains abîmées. Qui va permettre à Dolores, pardon, de raconter ce que c'était que d'être domestique pour Vera. Et donc là, c'est tout le passage qui va reprendre toutes les obsessions qu'avait Vera. Oui. Notamment son obsession des draps étendus en plein air, y compris en plein hiver. Des pinces à linge, ouais. Avec six pinces à linge et pas quatre. Et toujours au vent de l'est. Donc toujours d'un côté spécifique de la maison. Où tu vois aussi son mari qui... Il shoot dans des balles de golf, tu vois que son mari en a rien à faire d'elle, de Vera. Oui. Il y reviendra, mais d'ailleurs, le mari qui, dans l'adaptation, ne sert strictement à rien. Bah, on sait juste qu'il se fait tuer, quoi. C'est qu'il trompe sa femme et qu'il se fait tuer. Voilà. Après, il n'est pas très présent dans le roman non plus, hein, le mari. Oui, c'est vrai. À noter, une différence, c'est que on parle pas trop des enfants de Vera dans l'adaptation. Et Dolores n'a qu'une fille dans le film. Il y a Joe et Petit Pierre ne sont pas là. Oui, je l'ai évoqué au début. Ah oui, pardon. Mais que ça fait partie des choses qui finalement n'impactent pas du tout l'adaptation. Non, déjà, ça permet de resserrer la narration, ce qu'il faut faire de toute façon quand on a 2 heures. Oui, et puis surtout dans le roman, finalement, Joe Junior et Petit Pierre, scénaristiquement parlant, n'apportent pas grand-chose. C'est juste qu'ils sont là pour développer les personnages. Oui, c'est ça. Joe Junior sert quand même dans la mesure où il surveille son père, où il est là pour faire rempart entre son père et Selena. Mais vu que la succession des événements est accélérée dans le film, c'est plus nécessaire de l'avoir. Voilà. Chérie, pourquoi tu ingurgites toutes ces drogues? Parce que dans 10 minutes... Je me sentirais beaucoup mieux. C'est tout. Donne-moi 10 minutes. Selena, donne-moi 10 minutes! C'était une mauvaise passe. Tu as eu une mauvaise passe et là maintenant, bah, tu revis tout ça. Une mauvaise passe? J'ai eu une putain de dépression, tu veux dire? Ne me dis pas des mots comme ça, Selena. Tu as eu des moments très difficiles et tu t'en es tirée. Qu'est-ce que je fous? C'est pas vrai. T'étais fatiguée, c'est tout. C'est ça. Tu as eu très vite fait de reprendre du poil de la bête. Quand on a ce que tu dis, ça prend du temps pour s'en sortir. On n'obtient pas une bourse à Vassar quand on a ça. Moi, je dis que c'était une mauvaise passe. Il faut vraiment que je sois dingue pour revenir ici. Dolores et Selena vont re-rencontrer les deux policiers, et notamment McKay. Et Dolores va se montrer très brutale avec lui. Notamment, c'est là qu'elle lui dit, elle lui fait une réflexion un peu grivoise sur sa femme. Et oui. McKay lui dit « Ma femme est morte de cause naturelle. » Oui, un cancer. Ouais. Cause naturelle. Le dialogue est finement écrit. Ouais. Mais du coup, Selena dit à Dolores d'arrêter de se mettre le policier à dos. Et c'est là que Dolores dit « Mais de toute façon, je me le mets pas à dos. Ça fait déjà une éternité qu'il m'en veut. » Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a le flashback de l'interrogatoire dans le passé. Et on voit que Selena a même oublié... ce policier, parce qu'effectivement, dans le flashback, il l'a légèrement traumatisé en voulant faire en sorte qu'elle avoue tout, qu'elle avoue des trucs qu'elle pourrait savoir, mais de manière un peu brutale, quoi. Oui, même très très nettement brutale, et ce alors que Selena, justement, ne sait rien, vu qu'elle est absolument pas complice de toute cette histoire. Oui, voilà. Donc, c'est clairement juste de la torture psychologique. Et c'est ça qui fait, en fait, là pour le coup, c'est ça l'erreur de McKay dans le film, c'est qu'à partir du moment où on lui dit de se calmer avec Selena, il peut plus mener son enquête parce que plus personne lui fait confiance, tout le monde comprend qu'il est pas objectif. Ah oui. Et c'est ça qui joue en faveur de Dolores dans le passé. Et suite à ça, du coup, Selena va, sans le vouloir, rencontrer McKay au bar où il va la confronter, mais cette fois-ci à l'âge adulte, quoi. Et où on sent qu'effectivement, il est plus du tout objectif. Et où oui. On comprend aussi, enfin, Selena comprend, et nous avec, que c'est lui qui a envoyé le fax pour faire revenir Dolores. Selena, pour essayer de faire flancher Dolores, justement, en ayant... il croit que Selena va être son allié, qu'après avoir laissé passer les choses 20 ans auparavant... cette fois-ci, elle se mettra du côté de McKay. C'est à ce moment-là que, passage qu'on évoquait un petit peu avant, la journée se continue, ils sont, Selena et Dolores sont chez eux en train de manger, et là, t'as des mecs en pick-up qui passent et qui se mettent à tirer en l'air, à insulter Dolores, c'est une scène que t'avais évoquée un petit peu avant. Ouais. Scène qui nous ramène en flashback, puisque du coup, Selena, enfin, on voit le traumatisme qu'a subi Selena après la mort de Joe, parce qu'il recevait des appels anonymes, il les insultait, et voilà. Oui. Effectivement, quand t'as 13 ans, peut créer un petit trauma. Ouais, surtout quand ton père vient de mourir, ton père violeur vient de mourir, oui. Voilà. Elle a beaucoup de raisons d'être traumatisée, Selena. Et là, il y a une très jolie scène quand on revient dans le présent, c'est Dolores qui s'était auto-persuadée que sa fille allait mieux, qu'elle avait fait effectivement une forme de dépression suite à la mort de son père, mais qu'elle s'en était remise, qu'elle avait fait des brillantes études, qu'elle allait bien. Et où en fait, elle supplie Selena de lui dire que ça va mieux, alors qu'elle se rend compte qu'en fait, Selena n'a jamais été vraiment bien depuis cette époque-là. Je trouve ce moment vraiment joli. Oui, on est d'accord. Selena veut partir, mais elle ne peut pas, sa voiture s'embourbe. Et donc elle doit rester. Oui. Et le lendemain, alors que Dolores va récupérer ses affaires à elle, chez Vera, c'est là qu'elle va apprendre seulement dans le film qu'il y a une complication qui la met, elle, encore plus dans une situation critique. Oui, le testament. Le testament. Testament qui a été écrit 8 ans auparavant, nous apprend McKay, nous apprend le flic. Et puis voilà. Et tout le monde est surpris. C'est surtout ça qui est important. Oui, oui, clairement, Dolores, on sent qu'elle est surprise et ça resservira. Tandis que McKay, lui, se délecte d'apprendre l'information, de lui apprendre l'information. Pour lui, il est en train de lui dire « Je sais pourquoi vous l'avez fait et je vous tiens. » Et on sent que McKay, au final, n'est en soutien, même pas, malgré ce qu'il prétend, il est même pas en soutien de Selena, vu qu'il va tout autant la manipuler que Dolores. Et il est tout autant heureux de la piéger, elle. Ah oui. Là, Dolores se pose des questions. Pourquoi l'héritage, quoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Ouais. Et c'est là qu'elle va dire à Vera, qu'elle va raconter à Vera comment est morte... qu'elle va dire à Selena, pardon, comment est morte comment Vera. C'est là qu'on a ce flashback. Voilà, alors en fait, on a un flashback qui revient sur le début du film, mais vu sous les yeux de Dolores, donc on se rend compte qu'effectivement, c'est totalement un accident. Ouais, ça nous pose déjà que les dernières années, Vera était très affaiblie, qu'elle allait plus bien du tout, qu'elle avait des accès de panique. Et en effet, ça montre l'accident cette fois-ci, où Dolores essaie de retenir Vera, de l'empêcher de se jeter depuis le haut des escaliers. Et que c'était ça, du coup, la dispute qu'on entendait. Et parce que du coup, dans cette adaptation, c'est une tentative de suicide. C'est pas la folie, comme dans le roman. Ouais, même si dans le roman, ça finit en volonté de mourir, mais là, oui, c'est plus activement une tentative de suicide. Parce que dans le roman, il y a la volonté de mourir, parce qu'elle veut se débarrasser des visions, tout ça, chose qui n'est pas présente dans le film. Non, pour le coup, très peu. Et donc, Dolores raconte ça... On ne sait pas trop si Vera la croit ou non. De toute façon, Vera, telle qu'elle le dit... C'est... Décidément, je vais confondre à chaque fois. On ne sait pas trop si Selena la croit ou non, mais de toute façon, telle qu'elle le dit, ce n'est pas forcément ce qui est important. Ce n'est pas ce que moi, je te crois, qui compte. C'est que tu fasses bonne impression au moment du procès et il faut vraiment que tu acceptes un avocat. Oui, voilà. Sinon, c'est la tôle, quoi. Ouais, voilà, là... Et donc, alors que Selena menace de partir, enfin dit qu'elle va partir, qu'elle met une liste d'avocats et qu'elle va partir, que de toute façon, elle n'a jamais pardonné... qu'elle sait que Joe tapait sur Dolores, mais qu'il était malheureux, et donc finalement, il avait des excuses pour le faire, c'est plus ou moins ce qu'elle sous-entend. Ouais. Dolores dit bon c'est tu te souviens de rien mais il y a un moment je peux pas laisser passer ça et je vais te raconter ce qui s'est passé avec ton père en réalité. Voilà, elle lui dit assieds-toi, on va boire un coup et puis on va parler. Ouais. Donc là on retourne dans le passé, d'abord avec la scène du bulletin scolaire où on se rend compte que Selena est devenue une plutôt mauvaise élève, qu'elle est moins papante qu'avant, qu'elle fait plus trop attention à elle. On voit que Joe, lui, il s'en fout, il laisse passer tout ça. Oui, lui, les études, il s'en fiche, ouais. Voilà. Puis vient la scène, du coup, où elle l'attend à la sortie des cours pour prendre le ferry ensemble. On a le même déroulé avec la chute, enfin, la quasi-chute du ferry et Dolores qui comprend en voyant le médaillon. Je trouve que, par contre, en tant que spectateur, c'est pas si clair que ça. Toi, tu comprends pas tout de suite, en fait. Alors, le truc, c'est que là, pour l'instant, on comprend pas tout, mais on en saura plus un peu après. Parce que dans un premier temps, en fait, Vera interrompt le récit. Elle refuse d'en écouter plus au moment où Selena va passer à sa confession quand elle est enfant. Oui. Et du coup, comme ça a été interrompu, nous, on aura la suite que plus tard. Oui. Et donc là, on arrive au moment, à la séquence de la banque. Où Dolores se rend à la banque et elle constate que Joe a volé tout l'argent qu'il y avait sur le compte. La séquence est plutôt fidèle au roman. Oui, encore une fois, je pense qu'il y a même des dialogues qui sont repris quasiment au mot près à ce moment-là. C'est raccourci, mais sinon c'est exactement la même séquence que dans le roman, avec le même déroulé, la même méthode qu'a utilisé Joe pour récupérer l'argent. Oui. Et une autre séquence qui va être relativement fidèle et qui arrive tout de suite après, c'est Vera qui est revenue pour l'éclipse et qui est toute pimpante, et où Dolores va avoir sa crise nerveuse juste devant elle. Avec sa confession de ce qui se passe dans son foyer, que Joe fait. Et c'est là que du coup on revient, Parce que c'est là où Selena l'interrompt. Attends, putain, je suis perdu. Oui, si, c'est là. Oui, effectivement, on va avoir la fin de la confession sur le ferry. On en a une partie, enfin on l'a en bonne partie, mais Selena interrompt en disant non, c'est n'importe quoi, c'est jamais arrivé, t'es en train d'inventer tout ça. Voilà. Et en parallèle, la Selena du passé, elle quitte la maison pour aller bosser à l'hôtel, alors que sa mère, en la poursuivant, tombe sur le puits. Ouais. Tombe elle sur le puits et a failli tomber dans le puits. Oui, elle tombe presque dedans et ça lui donne l'idée... Ça commence à lui donner l'idée pour la suite, en tout cas. Voilà. Donc, Selena va se coucher, déjà, pour le soir. Et le lendemain, elle décide de repartir tout de suite. Elle a laissé à sa mère la liste des avocats. Elle sait que sa mère doit rencontrer les détectives aujourd'hui. Mais elle dit, moi, je m'en lave les mains. J'ai fait ce que je pouvais faire. Ça me regarde plus. Je veux plus avoir de nouvelles. Ouais. Sauf qu'elle se rend compte, dans la voiture... que Dolores lui a laissé une cassette audio pour raconter la fin de son histoire. Et cassette audio qui contient donc la fin du récit de la mort de Joe, surtout. Ouais. Donc, où vraiment la confession avec la discussion avec Vera se poursuit, et Vera qui, lui sort tout ce qui concerne le « il y a toujours des maris qui meurent ». Voilà, là, et du coup, en tant que spectateur, on comprend que finalement, c'est elle qui a provoqué la mort de son mari, Vera, j'entends. Ouais. Et qu'elle incite Dolores à faire de même. Voilà. Et comme dans le roman, pour le coup, ça redevient assez proche. Elle est très complice de Dolores dans tout ce qui va concerner la mort de Joe à venir, avec la même idée de lui donner les lunettes, de lui proposer une place sur le ferry pour voir l'éclipse. Mais de bien comprendre quand Dolores dit qu'elle compte pas y aller, et Vera l'encourage nettement à ce moment-là. Ouais. C'est là qu'il y a la phrase qui revient que Dolores avait employée au début, que Selena avait ressorti après, et que Vera dit cette fois-ci des fois, tout ce qu'il reste à une femme, c'est d'être une garce. Ouais, c'est d'être une garce. Ce qui est un peu la leçon que se passent les femmes l'une à l'autre. Au cours du film. Oui, et du roman. D'ailleurs, c'est aussi repris vraiment du roman. Ouais, mais c'est moins repris par tous les personnages dans le roman, tandis que là, vraiment, les trois personnages féminins principaux diront la phrase quasi à l'identique à un moment ou à un autre. Mm. Du coup, Dolores rentre chez elle, avec les courses, et surtout avec la bouteille de whisky. Autant dire que Joe est très content. Ouais. Et arrive la fameuse confrontation... entre Joe et Dolores. La scène est très bien. Mon seul reproche, c'est qu'aujourd'hui, elle a un peu mal vieilli, parce que du coup, c'est l'une des fameuses scènes qui a été tournée avec un fond bleu. Et tout le ciel et tout le lac, tu vois que... Enfin, une partie du lac, en tout cas, n'est pas vraie. Et vraiment, ça saute aux yeux, quoi. Oui, effectivement. Même si je trouve que c'est un petit côté matte painting qui n'est pas... qui n'est pas détestable, qui donne une petite patine, effectivement, on sent que c'est faux. Mais je trouve pas que ce soit moche pour autant, tu vois. Non, après, c'est pas non plus... Il y a un plan que je trouve vraiment moche pour le coup, mais c'est pas non plus infâme. Ouais. Il y a un moment, par contre, très joli, où t'as Joe qui est à la limite de tomber du puits, il regarde Dolores, et tu sais, en contre-plongée, et tu vois l'éclipse qui arrive... qui arrive au moment où le soleil est totalement caché derrière elle. Et visuellement, ça rend très bien. Ouais. Il y a un bon... le film arrive plutôt bien à montrer que l'éclipse est toujours présente et à représenter visuellement l'éclipse dans toute cette scène lui donner une dimension un peu fantastique, justement, aussi. Ouais. Alors, Joe, là, par contre, il tombe, il meurt. Hein. Oui, là, c'est très raccourci par rapport à ce que c'est dans le roman. En même temps, ça peut se comprendre, il y avait besoin de gagner du temps, il n'y avait pas non plus le budget, je pense, pour faire 200 000 choses. Mais il y a cette image qui a resservi pour certaines des affiches de Dolores avec la lampe torche au-dessus du puits qui cherche à confirmer que Joe est bien mort à l'intérieur. Oui. Et toute la séquence est vraiment bien menée avec une... Tu l'as déjà évoqué... bien plus tôt dans l'épisode, mais avec une bonne bande-son, vraiment... Il y a un aspect très quasiment fantastique à ce moment-là, dans la manière de réaliser. Oui. Donc dans les événements. avec elle qui regarde dans le puits pour chercher confirmation de la mort de son mari, alors que en fond sur le lac, tout le monde est joyeux, tout le monde fait la fête, quoi. Ouais. Ce qu'on avait aussi dans le roman, du coup, le coup de la lampe torche, elle l'employait oui. aussi dans le livre. Hein. C'est vraiment des images qui y sont reprises. Et du coup, bah, la confession est finie. Ouais. Et Selena arrive sur le ferry pour repartir. Et c'est là qu'on a le seul flashback de son point de vue à elle. Oui. Qui est le moment où les souvenirs reviennent et où elle tout revient du traumatisme qu'elle avait enfui de l'inceste subi par son père, subi oui, voilà. Via son père. Hein. La scène est vraiment assez forte. Ouais, assez forte, bah, évidemment assez dure. Même si c'est filmé avec sobriété. Oui, avec beaucoup de pudeur. Et que ça reste beaucoup sur le visage de Selena pour plutôt montrer la victime que l'acte ou le violeur. Il y a oui. vraiment une insistance sur la victime qui est, je pense, la meilleure manière de le filmer en l'occurrence. Effectivement, ça s'en tire avec une certaine pudeur, je trouve. Oui, clairement. C'est à ce moment-là que du coup, elle décide de revenir finalement sur Little Tall. Ouais, pour assister à la confrontation entre sa mère et la police. Parce que c'est l'heure du procès, en fait, procès. Simili-procès, hein. C'est vraiment... Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Ouais, non, en fait, c'est un truc semi-officiel dont le but principal est de décider si justement il va y avoir poursuite judiciaire ou non, si on classe ça comme accident, ou ouais. si on fait une véritable enquête... C'est ça qui se décide, en fait. C'est un peu une pré-enquête. Avec, du coup, Vera qui surgit et qui, finalement, va servir d'avocat non officiel à sa mère. Ouais. En présentant tous les trucs qui, selon elle, sont bizarres. Alors déjà, elle montre qu'ils n'ont aucun dossier, que s'ils amènent ça devant un tribunal, ils n'ont rien de solide, ils n'ont pas de preuves que Dolores ait poussé Vera, ils ont aucune trace sur le rouleau à pâtisserie, donc qu'aucun coup n'a été donné. Qu'en fait, toutes les preuves qu'ils ont, ce sont des trucs circonstanciels qui peuvent facilement être démontés. Oui, on se rend compte que Selena semble meilleure avocate que journaliste. Bah après, on ne sait pas trop ce qu'il en est d'elle en tant que journaliste. Oui. On ne la voit pas tant que ça au boulot, c'est juste qu'elle est visiblement trop obstinée en tant que journaliste, mais elle a l'air pas mauvaise pour suivre une piste. C'est quand même sous-entendu qu'elle a eu une belle carrière en tant que journaliste. C'est une boutade. Mais effectivement, elle sait bien montrer tout ce qui est en défense de sa mère. Ouais, déjà, elle la défend avec beaucoup de hargne. Déjà, elle prend le personnage de John C. Reilly à partie en lui disant « T'es d'accord qu'elle avait bien eu l'air surprise au moment où elle a appris l'héritage, pour l'héritage, ouais. donc qu'elle savait pas avant, véritablement. » Donc c'est le premier truc, c'est un des trucs qu'elle démonte. Elle dit aussi que si elle avait été au courant pour l'héritage, ça aurait été tout de même franchement très très con alors qu'elle s'occupait de Vera depuis des années déjà d'attendre oui. aussi longtemps et de la tuer de manière aussi brutale et aussi suspicieuse alors qu'elle aurait eu des dizaines d'occasions de faire plus discret oui. au cours des années. Ce qui est totalement recevable. Oui, effectivement. Et elle finit par revenir en fait sur l'amitié qu'il y avait entre Vera et Dolores. Oui. Et finalement, ces deux femmes qui s'aimaient vraiment, quoi. Ouais. Bah, qui n'avaient que. Chacune n'avait que l'autre pour la soutenir. Parce que les deux étaient seules. Soit n'avaient plus de famille, soit ne recevaient plus de famille de visite de cette famille. Et donc, elles comptaient l'une sur l'autre. Et malgré leurs disputes incessantes et leur véritable rivalité. Au final, elles étaient amies, elles étaient tout ce qui... Chacune était tout ce qui restait à l'autre. Voilà. Bon, on comprend que ça convainc... je sais même plus le nom ou le poste de l'autre. C'est Stanshaw, l'autre. Pardon. Voilà. Lui, il semblerait que ça le convainc, puisque Dolores est libérée après ça. Ouais. Vera enfonce un peu le... Selena enfonce un peu le clou en confrontant McKee sur le fait que si c'était quelqu'un d'autre que Dolores Claiborne, vous auriez jamais autant mené l'enquête avec hargne, vous auriez beaucoup plus facilement cru à la thèse oui. de l'accident. C'est aussi ça qui convainc les autres, c'est de se rendre compte que McKee n'est absolument pas objectif et qu'il l'a jamais été sur cette question. C'est ça. Mais donc, effectivement, les charges sont abandonnées et la mort de Vera est classée en tant qu'accident. Et il n'y aura pas plus d'enquête que ça. Et le film se termine avec les au revoir, pas les adieux. On comprend qu'elles sont rabibochées quand même. Que tout ça les a réunies de nouveau. Donc, le revoir entre Selena et sa mère. Ouais, même si on peut se dire que tout ne sera pas réparé parce qu'il reste beaucoup de blessures, Selena n'est pas remise de tout son traumatisme, surtout qu'il vient de revenir. Donc, c'est pas une fin complètement heureuse. Ce qui est bien souligné par le fait que l'image reste le ton terne du temps présent. Mais effectivement, ça se termine sur un apaisement, en tout cas. C'est déjà pas mal, vu que le film est plutôt très lourd dans l'ensemble. Oui, et c'était bien. Et voilà, c'était un très chouette film, une très chouette adaptation. Et on va pouvoir passer à une scène. Oui. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner de couper la tête. Très bien, nous allons lire une scène issue du milieu du roman. Dans la version pocket, ça commence à la page 154 et visiblement dans la version grand format de Chris chez Albin Michel, c'est ça ? Oui, c'est aussi pareil. À la page 154, donc très bien. Bah après, ça joue sur la taille de la police d'écriture. Ouais, je pense. Donc le roman Dolores Claiborne a été traduit par, c'est assez rare à cette époque, je crois que c'est sa seule traduction pour King, Dominique Dill, voilà. En même temps, c'est un roman où il faut prendre un ferry, c'est normal que le traducteur soit Dill. Oh là là là là. Donc Dolores vient de s'écrouler en larmes juste à côté de Vera, et alors qu'elle commence à se calmer, Vera a dit la seule hypothèse qui lui venait en tête, qui était... que Dolores était de nouveau enceinte, et elle va commencer à essayer de la calmer et de la faire se confesser. Vera m'a regardé une seconde ou deux de plus, et puis elle a repris son tricot sur ses genoux et s'est remise au travail, calme comme pas possible. Elle a même recommencé à fredonner. C'était comme si, pour elle, d'avoir sa femme de ménage assise sur son lit défait et se bidonnant comme un veau à la pleine lune était la chose la plus naturelle du monde. Dites donc, les Donovan devaient avoir de drôles d'employés à Baltimore. Au bout d'un moment, mon rire est redevenu des larmes, comme parfois la pluie tourne un temps à la neige pendant les bourrasques d'hiver si le vent vire du bon côté. Et puis tout s'est arrêté, et je suis restée là, sur son lit, épuisée et honteuse, mais comme lavée aussi. Je suis désolée, Madame Donovan, j'ai dit. Vraiment désolée. Vera, elle a dit. Pardon ? Vera. J'insiste pour que toute femme qui a une crise d'hystérie sur mon lit m'appelle dorénavant par mon nom de baptême. Je sais pas ce qui m'a pris. Oh, je crois bien que si. Nettoie ton visage, Dolores, on dirait que tu as plongé la tête dans de la purée d'épinards. Tu peux utiliser ma salle de bain. Je suis allé me laver la figure et j'y suis resté longtemps. En vérité, j'avais un peu peur de sortir. Je croyais plus qu'elle allait me virer, puisqu'elle m'avait dit de l'appeler Vera au lieu de Madame Donovan. On se conduit pas comme ça avec quelqu'un qu'on a l'intention de virer dans 5 minutes. Mais je savais pas ce qu'elle allait faire. Elle pouvait être cruelle. Si vous n'avez pas au moins compris ça de ce que je vous ai dit, j'ai perdu mon temps. Elle pouvait vous casser salement quand elle voulait, et le plus souvent, ça faisait mal. « Tu t'es noyé là-dedans, Dolores ?» elle a appelé. Je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. J'ai arrêté l'eau et je me suis séché la figure, et puis je suis retourné dans la chambre. J'ai recommencé tout de suite à m'excuser, mais elle m'a fait signe que ça suffisait. Elle me regardait comme une sorte d'insecte qu'elle n'aurait jamais vu avant. « Tu sais, tu m'as mis sur le cul, ma chère, » elle a dit. « Toutes ces années, j'ai jamais cru que tu pouvais pleurer. J'ai cru que, peut-être, tu étais de pierre. » J'ai marmonné quelque chose comme quoi j'avais pas pu me reposer ces derniers temps. « Je le vois bien, » elle a dit. « Tu as des mâles Vuitton sous les yeux et tes mains sont agitées de tremblements. »« J'ai quoi sous les yeux ?» j'ai demandé. « Peu importe. Dis-moi ce qui va pas. » Un petit pain au four a été la seule cause à laquelle j'ai pu penser devant une explosion aussi inattendue. Et je dois avouer que c'est toujours la seule chose à laquelle je peux penser. « Alors éclaire-moi, Dolores. » « Je peux pas, » j'ai dit. « Et que je sois damné si j'ai pas senti tous les sanglots prêts à revenir sur l'instant, comme la manivelle de mon papa sur sa vieille Ford modèle A quand on la tenait pas bien. Si je faisais pas attention, j'allais pas tarder à repartir sur son lit avec mon tablier sur la figure. « Tu peux si tu veux, » Vera a dit. « Mais tu peux pas passer le reste de la journée à sangloter. Cela me donnerait mal à la tête et il faudrait que je prenne de l'aspirine et je déteste prendre de l'aspirine, ça irrite la paroi de l'estomac. » Je me suis assise au bord du lit et je l'ai regardé, et puis j'ai ouvert la bouche sans avoir la moindre idée de ce qui allait en sortir, et voilà ce que j'ai dit. Mon mari essaie de baiser sa propre fille, et quand j'ai voulu partir avec les enfants, je suis allé à la banque prendre l'argent que j'avais mis de côté pour les envoyer à l'université, et j'ai découvert qu'il avait tout fauché, capital et intérêt. Non, je suis pas de pierre, je suis pas du tout de pierre. Et je me suis remise à pleurer, et j'ai pleuré un bon moment, mais pas aussi fort qu'avant, et sans avoir besoin de me cacher derrière mon tablier. Quand j'en suis arrivée au simple reniflement, elle m'a dit de lui raconter toute l'histoire depuis le début, sans rien oublier, et c'est ce que j'ai fait. J'aurais jamais cru pouvoir raconter cette histoire à quelqu'un, et encore moins à Vera Donovan, avec tout son argent et sa maison à Baltimore et son bellâtre à sa botte qu'elle gardait pas seulement pour briquer sa voiture, mais je lui ai tout dit, et j'ai senti que le poids sur mon cœur devenait de plus en plus léger à chaque mot que je disais. J'ai tout craché, comme elle m'avait dit. Alors je suis coincé, j'ai dit à la fin. J'arrive pas à trouver quoi faire de ce fils de pute. Je suppose que je pourrais y arriver ailleurs si je prenais les gosses et que je les emmenais sur le continent. J'ai jamais eu peur de travailler dur, mais c'est pas le problème. Alors quel est le problème? Elle m'a demandé. Le carré afghan qu'elle tricotait était presque terminé, ses doigts étaient les plus rapides que j'ai jamais vus. Il a tout fait sauf violer sa propre fille, j'ai dit. Il lui a fait tellement peur que peut-être qu'elle s'en remettra jamais et il s'est récompensé avec pas loin de 3 000 $. Je vais pas le laisser s'en sortir comme ça, pour sûr, c'est ça le problème. Vraiment? Elle avait dit ça de sa voix douce et ses aiguilles qui faisaient clic clic clic et la pluie qui roulait sur les vitres et les ombres qui ondulaient et se tordaient sur sa joue et son front comme des veines noires. La regarder comme ça m'a fait penser à une histoire que racontait ma grand-mère sur 3 sœurs qui tricotaient nos vies dans les étoiles. Une qui filait, l'autre qui tenait le fil, et la troisième qui le coupait chaque fois qu'elle en avait envie. Je crois que le nom de la dernière était Atropos, et même si c'est pas ça, ce nom m'a toujours fait frissonner. Oui, je lui ai répondu, mais que je sois damné si je connais le moyen de lui faire endurer ce qu'il mérite. Clic, clic, clic. Il y avait une tasse de thé près d'elle, et elle s'est arrêtée le temps de boire une gorgée. Après, il y a eu une époque où elle a essayé de boire son thé par l'oreille droite et de se faire un shampoing au tête-lait, mais à l'automne 1962, elle était toujours aussi habile que le rasoir coupe-chou de mon père. Quand elle m'a regardé, ses yeux semblaient profonds jusqu'à l'autre côté de sa tête. « Qu'est-ce qui est le pire, Dolores ?» elle a finalement dit en reposant sa tasse pour reprendre son ouvrage. « Que trouves-tu le pire ? Pas pour Selena ou les garçons, mais pour toi. » « Ce fils de pute se moque de moi, » j'ai dit sans avoir besoin de réfléchir une seconde. « C'est ça le pire pour moi. » Des fois, je le vois sur son visage. Je lui ai jamais dit, mais il sait que j'ai été à la banque. Il le sait très bien, et il sait que j'ai découvert. « C'est peut-être juste un effet de ton imagination, » elle a dit. « Je m'en fous, c'est ce que je ressens. » « Oui, » elle a dit, « c'est ce que tu ressens qui compte. Je suis d'accord. Continue, Dolores. » « Qu'est-ce que ça veut dire, continue ?» J'allais lui demander, c'est tout. Mais peut-être que c'était pas tout, puisqu'autre chose est sortie, comme un diable de sa boîte. Il se moquerait de pas de moi s'il savait que j'ai été si près d'arrêter son horloge pour de bon 2 fois. Elle est restée là à me regarder, les ombres fines et sombres se pourchassaient sur son visage et entraient dans ses yeux si bien que je pouvais rien y lire, et j'ai repensé aux dames qui filaient dans les étoiles, surtout à celle qui tient les ciseaux. J'ai peur, j'ai dit. Pas de lui, de moi. Si j'emmène pas bientôt les gosses loin de lui, quelque chose d'horrible va arriver. Je le sais. Il y a quelque chose en moi et ça empire. C'est un œil ? Qu'elle a demandé calmement. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était comme si elle avait ouvert une fenêtre dans mon crâne et qu'elle s'en servait pour regarder mes pensées. « Quelque chose comme un œil ?» elle a insisté. « Comment vous le savez ?» j'ai murmuré. J'ai eu la chair de poule sur les bras et je me suis mise à frissonner. « Je le sais, » elle a dit en commençant un nouveau rang. « Je sais très bien ce que c'est, Dolores. »« Eh bien, je vais le tuer si je ne fais pas attention. C'est de ça que j'ai peur, et alors je peux tirer un trait sur cet argent. Je peux tirer un trait sur tout. » « Baliverne !» elle a dit pendant que ses aiguilles faisaient clic-clic. « Il y a tous les jours des maris qui meurent, Dolores. Il y en a probablement un qui meurt en ce moment même, pendant que nous sommes assises ici à bavarder. Ils meurent et laissent leur argent à leur femme. » Elle a terminé son rang et m'a regardé, mais je lisais toujours pas dans ses yeux à cause des ombres que faisait la pluie. Les gouttes rampaient et ondulaient sur tout son visage comme des serpents. « Je suis bien placée pour le savoir, » elle a dit. « Après tout, c'est ce qui est arrivé au mien. » Je pouvais rien dire. Ma langue était collée à mon palais comme une blatte sur un papier tue-mouche. L'accident, elle a dit de la voix claire d'une maîtresse d'école, est souvent le meilleur ami d'une femme malheureuse. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai demandé dans un murmure, surprise d'avoir même pu articuler ça. Oh, ce que tu veux, elle a dit. Et puis elle a fait un sourire qui ressemblait plutôt à une grimace. À dire vrai, Andy, ce sourire m'a glacé le sang. Et maintenant, la même scène dans le film. A-t-on bientôt fini ? Je m'excuse, Madame Donovan, je suis désolée. Vera. Oui, je tiens à ce que toute femme qui fait une crise d'hystérie dans mon salon m'appelle par mon prénom, c'est comme ça. Alors, racontez-moi tout. Pourquoi la dure à cuire que vous êtes se trouve-t-elle soudain autorisée à pleurer comme une vache devant moi? Joe a pris mon argent. J'ai voulu aller solder mon compte, toutes mes économies pour Selena. $3,000, j'ai voulu les retirer. Ils n'y étaient plus. Ne comptez pas sur moi, Dolores. Le peu que je possède est placé, je regrette. C'est pour jouer en bourse que vous vouliez retirer cet argent? C'était pour partir avec Selena. J'avais décidé que ce soir, elle et moi, on partirait avant qu'ils rentrent du boulot. Eh bien, c'est palpitant. Et pourquoi désire-t-on prendre la fuite? Expliquez-moi, Dolores. Après tout, peut-être n'est-ce pas si grave. Elle dit qu'il ne s'est jamais rien passé. Mais elle s'est mise dans un tel état que je suis persuadée du contraire. J'aurais dû... avoir comme elle se comportait avec lui, j'aurais dû me douter qu'un jour... Mais... oh mon Dieu! Est-ce que vous savez jusqu'où il est allé? Il n'a pas toujours été comme ça. Quand on s'est mariés, c'était pas le conte de fées, mais... L'a-t-il violé, Dolores? Je sais pas. Mais il le fera tôt ou tard, si c'est pas déjà fait. Il travaille sur un bateau, il doit débarquer demain. Et c'est pour ça. J'ai voulu retirer tout l'argent pour qu'on parte toutes les deux, le plus loin possible. Mais enfin, Dolores, jusqu'où seriez-vous allée? Jonesport, peut-être? Bangor? Vous ne vous êtes jamais éloigné de plus de 80 km de cette île au cours de toute votre vie. Il n'en aura guère pour longtemps à vous remettre la main dessus. C'est un monde inique et masculin que celui dans lequel nous vivons, Dolores. Mais peut-être que je fais erreur. Mais si vous dites vrai. Chaque minute, il y a un homme qui meurt, Dolores. Un mari. Au moment même où vous êtes là, vous lamentez. Il y en a un qui est en train de mourir. En laissant la totalité de ce qu'il possédait à son épouse. J'en sais quelque chose, Dolores. Il arrive qu'un mari rentre en voiture d'une petite escapade chez sa maîtresse et que ses freins lâchent dans un virage. Un accident, Dolores, peut rendre à une femme malheureuse un immense service. Très bien, donc c'est un moment charnière dans le film comme dans le roman, puisque ah, c'est oui. Un moment de retournement pour le personnage de Vera, et c'est le moment où Dolores comprend qu'elle peut faire quelque chose, que ce qu'elle croyait être un rêve dont elle avait presque peur, c'est réalisable. Oui, totalement. À noter que dans le film, cette séquence est divisée en deux, puisque y a l'interruption par Selena qui veut plus écouter la suite, normalement, dans le film, qui sépare le moment où Dolores parle à Vera et le moment où Vera commence à vraiment dévoiler. Il arrive des choses au mari. Oui. C'est aussi le moment où, finalement, les deux s'ouvrent l'une à l'autre, quoi. Oui, qu'elles deviennent vraiment complices, que leur amitié naît à ce moment-là, on peut dire. Voilà, c'est ça. C'est le moment où elles ne sont plus que salariées et employées. Où ça va plus loin. Ouais. C'est vraiment une jolie scène, hein. Que ce soit ouais. dans le roman ou dans le film. Je trouve que les deux sont très réussis. Oui, on a pu avoir une idée de la narration de Dolores, qui est donc très orale, dans les négations, dans certaines images qu'elle emploie, dans le fait qu'elle a tendance à faire référence à des souvenirs un peu en vrac, qui lui reviennent au fur et à mesure qu'elle parle. Il y a vraiment ce ton très oral, et on ressent bien le mélange d'ébahissement et de fascination et de peur qu'elle a pour Vera à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et en film, c'est très très bien joué par les deux actrices. Kathy Bates est très bonne tout du long en Dolores, et là, oui. Quand elle craque, qu'elle est totalement vulnérable, elle est très touchante. Et j'aime beaucoup l'interprétation de Judy Parfitt, qui est très froide en Vera, et qui montre bien que Bah oui, elle est froide et manipulatrice, et oui, c'est une garce, mais il n'y a pas d'autre choix. C'est tout ce qu'elle a pour survivre, quoi. Oui, voilà. Et que finalement, elle est en total soutien avec Dolores. Elle remet jamais en question ce qui a été dit, et elle remet jamais en question le droit de Dolores à se défendre dans cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est le moment où Dolores comprend surtout qu'elle a une alliée dans tout le bordel qui lui sert de vie actuellement. Ouais, voilà. Jusque-là, elle pouvait se sentir seule, quoi. Et pour le coup, que ce soit le roman ou le film, les deux prennent totalement parti pour leur personnage féminin meurtrier. Il n'y a même pas l'idée qu'elles sont allées trop loin, qu'elles auraient pu trouver des solutions plus douces, même si elles avaient leur raison. Non, c'est totalement... les deux œuvres sont totalement derrière elles. Oui. En montrant que tout dans la société allait contre elles, qu'elles n'auraient pas pu se défendre autrement. Oui, voilà, elles étaient obligées, quoi. Ouais. C'est vrai que le film est très juste sur ça. Enfin, le roman aussi. Mais donc oui, c'est une des scènes retranscrites fidèlement. Comme on a dit, il y en a pas mal qui le sont, malgré la structure globalement différente. Et à la fois, la photo est très belle, parce que, comme on l'a dit, la photo du film est très chouette. Et il y a vraiment une excellente qualité d'interprétation, qui est un des très très gros mérites du film, avec Taylor Hackford qui sait bien mettre en avant ses acteurs et actrices. C'est ça. Et je pense qu'on a fait le tour de la séquence. Ouais, bah oui. En espérant que ça vous ait donné envie de voir le film et de lire le livre. Même si, voilà, encore un avertissement, ce sont des œuvres assez dures, vu les sujets qu'elles abordent de manière frontale. Oui, clairement, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, voilà. Eh bien, nous allons pouvoir passer au classement. Eh ben oui. Alors, comme d'habitude, le classement, je m'occupe des écrits, donc romans et nouvelles, alors que mon camarade Issam va s'occuper des adaptations, films et séries télé, ou épisodes de séries télé, quand c'est des séries d'anthologie. Alors, le classement des livres qui comprend 69 textes, les 5 premiers étant Sacdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée. Et les 5 derniers étant L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et Les Tommy Knockers. Le dernier à avoir rejoint le classement, Les Tommy Knockers. Oui. Le dernier, le flop 5. J'entends. Le dernier à tous les niveaux, oui. Voilà. Le dernier à tous les niveaux. Alors que le top 5, lui, eh ben ça fait très longtemps qu'il n'a pas été bouleversé. La dernière fois, ça devait être Histoire de Lisa. Ah ben non, c'était Charlie. Ah non, Charlie, on l'avait déjà non, parlé. Non, Charlie, ça, on en avait déjà parlé très très tôt. On a reparlé du dernier, mais il est entré très tôt dans le top 5. Mais donc oui, effectivement, tu as raison. La dernière fois, c'est l'histoire de lycée. Effectivement. Donc, effectivement, ouais. Ça commence à sérieusement remonter. Ah oui, parce que l'histoire de lycée, on l'a abordé... C'est notre 73e épisode. Ah oui, c'était l'année dernière, il me semble. Donc ça fait... Il y a eu quasiment 40 épisodes depuis. Alors, Dolores Claiborne. Je te cache pas qu'on va regarder quand même dans la première partie du classement. Dolores Claiborne, pour moi, ça mérite un top 10. Hein. Oh oui, top 10, oui. Alors, je te fais mon déroulement. Pour moi, c'est mieux que Shining, aussi ouais. Incroyable que ça puisse paraître. C'est mieux que Dead Zone, c'est mieux que La Part des Ténèbres, c'est mieux que Bazar. Et on arrive au point où ça commence à coincer. Parce que 22-11-63, c'est quand même un putain de roman fleuve, quoi. Oui, effectivement. Et si c'est au-dessus de 22-11-63, ça sera pas au-dessus d'Histoire de lycée. Ouais, là, je suis d'accord. C'est un peu en dessous d'Histoire de lycée. Par rapport à 22-11-63, alors 22-11-63, la gestion de son intrigue a sa très très belle histoire d'amour au centre et sa belle fin. Dolores Claiborne, j'aime beaucoup quand même le travail de la narration qui est assez atypique. Pareil, il y a une très jolie fin avec la manière dont Vera notamment se dévoile. Ouais. Ah, compliqué. Hein. Ouais. J'aime vraiment beaucoup les deux, quoi. Ouais, là, c'est compliqué au-dessus ou en dessous de 22-11-63. D'autant que c'est deux romans très, très différents, forcément. Ah oui, en plus. Ah, je mettrais quand même Dolores Claiborne au-dessus. Hein. Ouais, peut-être pour les thématiques abordées aussi. Pour les thématiques abordées, pour le travail sur le personnage, et pour le ressenti en tant que lecteur, quoi, parce que tu... En fait, en tant que lecteur, les cartes et ton avis sur les personnages est rabattu à chaque fois. Ouais. Et pas que sur le personnage de Dolores, sur beaucoup de personnages dans le roman. Ouais, effectivement, je pense que pour le travail qui a été effectué... Et pour la force du roman, il peut être au-dessus de 22,63, ça me va. Mais vraiment de pas très loin, quoi. Appuyons sur ça. Bah, de toute façon, on se retrouve dans une situation où Shining n'est plus dans le top 10, quand même. Hein. Donc, c'est qu'on a d'excellents romans dans le top 10. Oui, voilà. Donc, Dolores Claiborne prend la nouvelle 6e place entre Histoire de lycée et 22,11,63. Au niveau des films, il y en a donc beaucoup plus. Nous sommes à 111 œuvres classées pour le moment, avec aux 5 premières places, qui n'a pas bougé depuis une éternité, Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anouak Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Le dernier entrée, c'est Shining, je crois. Oui. Qui était notre 67e épisode, le Shining de Stanley Kubrick. Donc ça fait un peu plus longtemps que les romans que ça n'a pas bougé comme top 5. Et en flop 5, nous avons Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher, qui en réalité n'a pas bougé non plus depuis un moment, parce que c'est plus des trucs proches du flop 10 qui ont pu s'ajouter, genre Le Diable de Glace et compagnie. Oui. Le flop 5 en lui-même, ça va, il n'a pas non plus monumentalement bougé ces derniers temps. Enfin, faut dire que c'est quand même de la sacrée merde aussi. Faut dire que, ouais, faut faire des efforts au bout d'un moment pour faire aussi mauvais. Faut le vouloir. C'est ça. Et donc, Dolores Claiborne, bah, pareil, on va regarder plutôt vers le haut hein, du classement des films. Déjà, si on reprend ce qui était notre jalon de base, c'est mieux que Le Cimetière de Marie Lambert, donc ça limite déjà aux 20 premières places. Oui, déjà. Et pour moi, ça va encore pas mal remonter par rapport à ça. Parce que tu vois, si on le compare, par exemple, à des films un peu sur le même ton, à savoir mélodrame américain, assez classique dans la réalisation, je le trouve mieux que les deux Franck Darabont, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mieux que Les Évadés et La Ligne Verte, donc ça limite déjà aux 12 premières places. Timekeeper of Eternity, c'est bien la relecture des Langoliers. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est mieux. Même pour moi, mieux que les deux Romero. Hein. Mieux que les deux Romero, même mieux que Kingdom Hospital. Ouais. C'est à partir de Cujo où ça commence à... Cujo a pour lui quand même de très bonnes idées de réal. Ouais, mais là, tu peux dire qu'il y en a aussi quelques-unes avec le travail des transitions, notamment. Oui. Cujo avait un peu le même truc, en fait. C'était assez classiquement réalisé, avec quelques, mais très, très efficacement, avec quelques idées qui dénotaient. Mais au Cujo... Par contre, Christine Misery, c'est compliqué d'aller au-dessus. Hein. Pas pour moi, en tout cas. Je vais être honnête, moi, si je devais vraiment écouter mon cœur, je pense que je le mettrais 5e. Hein. Je pense que je le préfère à Shining. Ah ouais? Ouais. Ah non, peut-être pas. Je préfère même Misery. Hein. Bon, après, on peut couper la poire en deux. Toi, tu préfères aussi Christine? Non, à la rigueur, au-dessus de Christine, ça me va. Entre Misery et Christine? Les deux? Ouais, j'hésite. Mais ouais, allez, disons entre Misery et Christine, ouais. Les deux Kathy Bates à côté. Oui, du coup, qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, Dolores Claiborne prend la 7e place entre Misery de Rob Reiner et Christine de John Carpenter. On est dans les très bons films, de toute façon, dans cette zone-là. Hein. Oui, clairement. Très bien, nous avons donc fini pour aujourd'hui. Et nous allons pouvoir passer au tirage au sort pour la prochaine fois. Nous n'en tirons qu'un, vu que maintenant, le Vidéoclub, ce sera une fois par mois, puisque nous avons un autre podcast en parallèle. 30 millions d'attaques dédiées au podcast d'attaque animale. Notre premier épisode qui est sorti est sur l'incroyable alligator de Lewis Stig, justement. Et notre prochain épisode, étant donné que le tirage au sort, c'est ce que c'est, il sera sur Crawl d'Alexandre Aja, donc à nouveau un alligator, alors qu'on n'en a pas tant que ça. Voilà, c'est super. Mais n'hésitez pas à aller écouter et à nous suggérer des films pour ce nouveau podcast. Je mélange le chapeau pour le prochain à tirer au sort. Et normalement, c'est à moi de choisir. C'est toi qui avais tiré Dolores Claiborne. Ah, yes. Donc, j'ai un petit papier. Et nous parlerons la prochaine fois du film Le téléphone de Monsieur Harrigan, réalisé par John Lee Hancock, adapté de la nouvelle éponyme, enfin de la longue nouvelle éponyme, dans le recueil Si ça saigne. Très bien. Un film Netflix, il me semble. Ouais, je crois que c'est une prod Netflix, ouais. Donc, un récit moyennement long, ça doit faire dans les 150-200 pages, à peu près. Et un film dont nous vous parlerons la prochaine fois. Yes. En attendant, où est-ce qu'on peut se retrouver ? @cinémaarchiviste sur Blue Sky pour toi, @chrislosttales sur Blue Sky également pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Letterboxd sous les mêmes pseudos, je crois. Je mettrai les liens. J'ai une chaîne YouTube où je parle surtout de cinéma asiatique. N'hésitez pas à passer voir et à écouter donc notre autre podcast 30 millions d'attaques. Pareil, je mettrai les liens. Oui, surtout. J'espère que tout ça vous plaira. On se retrouve dans un mois donc pour le téléphone de Monsieur Harrigan. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.